Il a cramé des habitations à Paris ou une mosquée en Italie. La fumée se propage, un goût de mort s'en dégage dans les hôtels de Colombo. Une synagogue perd son trégor. Arrière, attentat, tu n'as pas fait de bon choix. Arrière, attentat, il y a une fois que l'on se voit. Arrière, attentat, tu n'as pas fait de bon choix. Arrière, attentat, il y a une fois que l'on se voit. Des catombes à 8 ans, tu posais des bombes, prêt à mourir pour tes idées, pour ton jeu ou pour en sommeil. Tu t'en fous si la vie est triste, on te déploiera. Vie d'artiste, t'as rien à faire, tout à gagner en fixant des bombes pour se créer. Comme toi, nous poursuivrons notre combat. Des gens complètement ravagés, rongés par des idées hachées. Ne t'inquiète pas, si les autres, il est en toi, c'est de ta faute. Impossible pour les compromis, tu vis paisible sans nos ennemis. Valère, attentat, tu n'as pas fait le bon choix. Valère, attentat. Chers auditeurs de Radio Arc-en-Ciel, bonsoir, voilà, amis terriens, amis terriennes. C'est l'émission Mavrika sur Radio Arc-en-Ciel, tous les vendredis à partir de 19h jusqu'à 22h, donc 3h ensemble. Et puis, vous savez que la signature de l'émission Mavrika, c'est justement d'avoir chaque vendredi des artistes qui vont nous présenter un peu leur travail ou l'évolution de leur travail, parce qu'il y en a certains qu'on découvre, d'autres qui sont déjà venus. Depuis le mois de janvier, plusieurs artistes sont déjà venus ici. On en a écouté quelques-uns. On avait commencé avec le 14 janvier avec l'artiste de blues Jimo, qu'on a écouté tout à l'heure avec le titre Maman. Et il était venu avec le photographe Pascal Garcia. D'ailleurs, les photos qui sont sur le Facebook sont celles de Pascal. Les autres jours, c'est moi qui les prends et je les poste dans le mur du Facebook de l'émission Mavrika. Voilà, tout simplement. Le 21 janvier, nous avons reçu ici le groupe Neutol, qui était venu de Tours spécialement pour l'émission Mavrika et qui nous avait présenté leur univers. Le vendredi 28 janvier, c'était Max De Giovanni qui était venu carrément de Bayonne, lui. Alors, c'était la première fois qu'on le rencontrait et puis en tout cas, on a des très bons souvenirs de cette émission. Les photos sont aussi sur le Facebook. Vous pouvez aller retrouver les Neutol, vous pouvez retrouver Jimo, vous pouvez retrouver Max De Giovanni. Le 4 janvier, c'est le groupe Turnoff qui était venu dans nos studios. On a écouté justement un morceau juste à l'instant, c'est Alerte Attentat, le groupe Turnoff. Si vous aimez le ska, justement, c'est un groupe que nous avons découvert ici dans les studios de Radio Arc-en-Ciel. Et dès qu'il y aura des concerts, allez les voir. C'est vraiment un groupe qui déménage sur scène. La semaine dernière, nous avions reçu ici un habitué, c'est Monsieur Mourad qui était venu nous présenter les titres qui seront dans le prochain album, parce que justement, il commence à nous préparer un album. Il y a un lien si vous voulez participer justement pour l'aider. Hein, simplement, il y a un petit lien sur le Facebook de Mavrika où vous pouvez justement vous inscrire pour précommander son album. Donc il n'y a pas de souci. C'est notre ami Mourad. La semaine prochaine, on recevra ici dans les studios Radio Arc-en-Ciel un groupe de trip-hop de la région orléanaise. C'est la première fois qu'ils viennent dans les studios. J'ai eu l'occasion de les voir déjà plusieurs reprises en concert. Ça envoie du bois. Donc ça sera le groupe Roraima dans nos studios. Alors une autre date encore, ça sera pour le 11 mars. Donc on a encore un petit peu le temps d'ici là. Le 11 mars, oui, ça sera le groupe No Blush qui reviendra dans les studios. Ça fait un petit moment qu'on les avait pas reçus. Donc là, ils viendront sur Orléans et donc ça sera l'occasion de les retrouver sur l'antenne de Radio Arc-en-Ciel. Et ben, j'ai gardé le meilleur pour la fin puisque le groupe que nous avons reçu, ce soir, hein, ils sont là déjà dans les studios de Radio Arc-en-Ciel. Alors la semaine dernière, je vous avais dit que j'avais prévu personne et c'est vrai que j'ai attendu un petit peu. Je me suis dit bon. Et puis là, il y a quelqu'un qui m'a appelé. Hein, il est là ce soir. Je vous le présenterai tout à l'heure. Il m'a dit tiens, justement, les Red Daff. Sortent un album, on a les morceaux, est-ce qu'on pourrait faire une émission avec toi? Et bien justement, ça s'est fait comme ça dans la semaine, et ce soir, ce sont les Red Daff qui sont dans les studios de Radio Arc-en-Ciel pour nous présenter leur nouvel album. Depuis le début de l'émission, on a écouté donc le groupe de Bordeaux qui s'appelle Ivar et le morceau « Oh Marianne ». On a écouté Jimo avec « Maman ». On a écouté les Turn Off avec Alerte Attentat. Et là, je vous propose d'écouter un des plus grands groupes de la région orléanaise. Hein, ce sont les Burning Head avec un morceau qui est sorti aujourd'hui, tout simplement. Donc le morceau s'appelle « All Set to Down ». Tout glow, voilà, je prononcerai mal. Et c'est le groupe Burning Head sur Radio Arc-en-Ciel. Into the mirror, she likes what she sees. Voilà, dans les studios de Radio Arc-en-Ciel, nous recevons des invités donc chaque vendredi. Et ce soir, donc, c'est le groupe Red Daff qui est présent dans le studio. On va commencer à discuter directement avec eux. On va régler les potentiomètres en même temps, puisqu'ils sont plusieurs. Alors aujourd'hui, le groupe n'est pas au complet. Bonsoir les Red Daff. Bon, déjà, on les entend pas. Je sais pas. Voilà, non, on ne s'entend pas du tout. Là, il y a un petit... Et là, voilà. Non, toujours pas. Bon, bah, c'est bizarre. Première fois que ça m'arrive, ça. Bon, on va essayer de voir autrement. Mais, voilà, mais... voilà, je vous ai récupéré, ouais. C'est bon. Avec les Red Daff, ils sont quelque chose. Et c'est vrai que c'est jamais arrivé, ça. À chaque fois, je monte les micros, on les règle un petit peu, mais là, j'avais pas du tout de son. Voilà, c'est parti. Bonsoir les Red Daff. Ça va? Bonsoir, Amino. Alors, vous êtes pas au complet. Tout à l'heure, il y aura une personne de plus. Alors, déjà, le groupe Red Daff, il y a quatre personnes sur scène. Bah oui, voilà. C'est pour ça on va commencer à discuter un petit peu. Alors là, je vais me tourner vers Antoine. Hein. Salut Antoine. Ok, ça va Albino. Bah, c'est toi qui vas parler un petit peu, tu vas nous raconter un petit peu l'histoire. Alors là, ce soir, vous êtes trois pour l'instant. Il y aura un quatrième qui va venir vous rejoindre tout à l'heure. C'est ça? Ouais, ok. François Boss. Et voilà. Il va arriver d'ici une demi-heure, une heure. Et Fab a pas pu venir. Ouais, alors Fab, c'est le chanteur, lui il a pas pu venir, c'est la voix. Par contre, il nous a fait une petite vidéo. Oui. Bon, vous l'avez forcé. On m'a forcé. Alors ça a bien fait rire tout le monde. J'ai montré à pas mal de personnes et effectivement voilà. Bon, vous l'avez forcé à faire la vidéo parce qu'il serait pas là ce soir. Donc. Ouais, donc on l'a fait un peu à l'arrache mardi soir à la répète. On a dit Cécile est venue en disant allez fais-nous une petite vidéo, t'es pas là-bas et c'est parti. Alors tu vois, il nous a fait un truc très scénarisé. Enfin, j'aime bien. Il était contraint, mais en plus, on voit le verre de bière juste à côté. Comme quoi. Hey, je vais te dire, c'était du thé, mais personne va nous croire. Non, personne va croire, non. Donc ce soir, il y a Titi qui est avec nous. Titi, c'est ouais. le son partout sur les concerts et au caisson, bien donc sûr. C'est le cinquième membre, hein, voilà. C'est le cinquième membre. Pour ça, membre il y en a quatre sur scène, mais là, il est là ce soir et il vient à chaque fois en plus. Et à chaque fois, c'est un plaisir aussi de voir d'écouter plutôt le son qu'il nous fait lors de vos concerts, hein. Aussi bien avec vous qu'avec d'autres artistes, hein, ouais, bien parce voilà, que bien sûr, hein. Quand c'est au caisson, ben effectivement, il y a plein de gens qui viennent jouer. Donc on va remettre un petit peu tout ça dans l'ordre. Ouais. Donc Titi qui est au son, hein, ouais. Les boutons, les consoles, tout ça, c'est son truc. Donc Antoine, toi tu es le guitariste. Ouais. Alors attends, si on parle juste de la technique, juste une seconde. Ouais. Donc Denis au son, Titi. Après au caisson, en général, vous avez l'habitude de voir Lilian à la lumière. Ouais, aussi, ouais. Lilian, on en reparlera tout à l'heure, je pense, parce que il est en train de préparer des nouveaux éclairages. On a refait le caisson. Enfin, alors, on parlera du caisson. On va parler du caisson, bien entendu. Et donc Lilian est à la lumière. Après, bien sûr, t'as toute cette association Red Daff, parce que Red Daff, c'est pas que le groupe. Ouais, on en reparlera aussi sûrement tout à l'heure, mais je veux être sûr de pas les oublier parce que c'est voilà. Vraiment des potes. Donc j'espère que t'as fait la liste parce que c'est toujours embêtant de devoir citer les gens et d'en oublier un. Non. J'ai pas fait la liste et l'asso, ils m'en voudront pas, ils savent que j'ai une petite cervelle, mais en tout cas, on pense fort à eux. Et je veux dire, on le dit à chaque fois, mais c'est sans tous ces gens, il n'y a pas de broken-roll, il n'y a pas de lumière, il n'y a pas de personne au bar, il ne se passe pas tout ça. Donc, on a cette grosse asso Red Daff qui est majoritairement au caisson et sur la broken-roll. En général, ils sont aussi sur les concerts. Tu les connais, toi, Albino, sans problème. Ah oui, petit à petit, à force de les fréquenter, je connais toute la famille. Hein. Et au caisson, tu sais qu'on a aussi des assos qui nous filent un coup de main. On a les potes de la Loire qui sont une asso de bikers. Donc, Totoche, Karine, on pense fort à eux parce que eux, c'est toute la partie... Alimentaire, on va dire buvette, sandwich, toute la partie bouffe. C'est nos potes Totoche et Karim qui s'occupent de ça avec leurs amis et leur association. On partage ce truc-là en général au caisson. Voilà. Donc ça, c'est pour la partie technique. Okay. Après, ce que j'oublie, franchement, pardonnez-moi, mais on essaiera d'y penser tout à l'heure. Hein. Ouais, au fur et à mesure, si vous vous rendez compte que vous avez oublié quelqu'un, ça vous revient. Okay. Il faut pas hésiter à citer tout le monde. Dominique, Dom. Le bassiste du groupe, ouais. Est là ce soir. Voilà. Donc c'est un peu la star, tu sais, t'as vu? Il est un peu en retrait sur le truc, oui. Il se dit, mais ouais, je me la raconte un peu. Mais non, les bassistes, mais... toujours un peu en retrait, les bassistes. Les bassistes, ouais, c'est toujours un petit peu à part. Voilà. Hein. Ouais. Mais non, pas pomme. Non, non. Ben non, il est presque normal. Presque. Ouais, ouais. Ouais, j'arrive à faire des bourdes aussi. Donc François qui va arriver tout à l'heure, qui est le batteur. Le batteur, accessoirement, mon frère. Oui, en même temps. Mais bien sûr, le batteur du groupe. Et donc Fab qu'on a présenté tout à l'heure. Et alors est Fab, le chanteur, guitariste. Qui a vraiment pas pu être là ce soir, il était un peu dégoûté, mais bon, on pense bien à lui, on va essayer de le dégommer et de dire tout le mal qu'on pense de lui au long de l'émission. Ok, d'accord, ben, voilà, donc on a présenté un petit peu les gens qui seront présents tout au long de l'émission. Alors on va parler des Red Daff. Alors Red Daff, c'est le groupe, hein. Un groupe que moi j'ai découvert, c'était en première partie de l'Ajaret, je m'en souviendrai toujours, théâtre d'Orléans. On s'en rappelle aussi. Ah, oui, oui. J'avais été là-bas et puis bon, j'avais été voir l'Ajaret, invité par l'Ajaret, parce que bon, c'est des potes à nous aussi, hein, à vous aussi. Ouais. Et en première partie, j'ai découvert un groupe, je me suis dit, ouais, il est bien ce groupe-là et tout ça. Et donc petit à petit, ben, je vous ai fait venir à plusieurs reprises dans les studios. On va souvent voir où sont les concerts que vous faites, hein, quand vous jouez et quand vous invitez aussi des gens. Et on a découvert l'association. Donc on commence par quoi? Par le groupe déjà. On va présenter le groupe. Alors le groupe, il existe depuis combien de temps? Alors le groupe, là on sort notre deuxième album et ça tombe plutôt bien parce que le groupe existe depuis 10 ans. Voilà. Donc cet anniversaire, on va le fêter le 25 et le 26 mars au Caisson avec ces deux concerts programmés. Et bah ouais, ça fait 10 ans. 10 ans déjà qu'on joue, qu'on bosse, qu'on s'entend bien, qu'on. 10 ans de rire et de travail, hein. Et surtout du travail, et surtout du rire aussi. Ouais, c'est vrai qu'on peut très bien travailler sérieusement tout en, travaillant dans la bonne humeur. Oui, voilà. Bien sûr. C'est ça de mieux d'ailleurs. C'est ça de mieux d'ailleurs. Ouais. Alors 10 ans, deuxième album. Alors l'album, il est sorti ou il est pas sorti? Non, l'album, il est en train d'être pressé. Voilà, il est en train d'être pressé. Il est complètement fini. Alors, on en a parlé tous les deux au téléphone. C'est Pascal Jardon qui a fait le mix. Il a été enregistré au studio Pôle Nord à Blois avec Fred Grammage. Et là, il est parti du côté de Annecy, où c'est Rhône Diffusion. Mon frère t'en dira un peu plus tout à l'heure, parce que c'est lui qui s'est occupé de cette partie-là, pour le mastering et pour le... Après. Tout ce qui va avec le CD, quoi. D'accord. Donc le CD physique va apparaître très bientôt. Oh, je pense que d'ici une semaine ou deux, on l'aura dans les mains, je pense. Donc il sera là à temps pour le concert. Ah oui, ça, c'est sûr. Venez au concert, vous pourrez acheter votre petit CD, Voilà. Donc très bien, le groupe Red Daff. Alors on peut aussi expliquer pourquoi Red Daff. Alors Red Daff parce que le rouge. Notre premier local de répète était rouge et parce que c'est de la moquette rouge un peu partout. Voilà, on avait mis ça pour le son. Enfin, t'imagines bien, c'est le groupe garage un peu. Et puis Daff, Dominique, Antoine, Fabrice et François, ou François, Fabrice, comme on veut. Ouais, voilà. Tout simplement, voilà. Ouais. Quand on le sait, c'est ça. Mais bon, il faut aussi l'expliquer aux gens. Très bien. Donc, bon, qu'est-ce qu'on peut dire encore du groupe Red Daff? Vous êtes déjà venu à plusieurs reprises, donc on va pas répéter à chaque fois. J'espère que les auditeurs qui sont habitués à écouter l'émission Mavrika maintenant vous connaissent un petit peu. En plus, on diffuse assez souvent vos morceaux, donc voilà, le groupe Red Daff, c'est quand même des stars, hein, dans la région. Merci, justement. On te met un petit mot de temps en temps en disant merci Albino quand tu nous passes un morceau et tout. Non, là, on est l'un en face de l'autre, on peut te le dire vraiment. Ah bah, merci. Non, mais franchement, c'est super sympa. C'est porteur aussi. De voir que tu diffuses les groupes du coin et nous, par la même occasion, franchement, c'est très très sympa, Albino. Ce que tu fais, c'est merci. On n'a pas assez l'occasion de te le dire, mais nous, on le pense vraiment très très fort. C'est pas de la lèche, hein. Je suis pas en train de faire de la lèche, mais je le pense vraiment. On t'aime, Albino, vraiment très fort. Voilà, ça fait plaisir. Bah, ouais. Effectivement. Il est tout rouge. Alors, je sais pas si une petite caméra pour le voir, mais rien. Tout rouge, ça y est. Non, mais effectivement, ça fait plaisir parce que, étant donné que moi, c'est ma passion de la musique, donc je côtoie pas mal de groupes, je les reçois ici dans les studios de Radio Arc-en-Ciel. Je les connais pas forcément au départ, et petit à petit, on va les voir en concert, et puis petit à petit, c'est vrai qu'on commence à connaître pas mal de monde. Hein. Ouais. Merci pour tout ça. Et donc, forcément, quand j'ai des invités, c'est la priorité aussi. nos inviter. Quand j'en ai pas, bah justement, je me suis dit, tiens, je suis tout seul. Surtout là, dernièrement, avec le Covid, je me suis retrouvé plusieurs fois tout seul. Il a même fallu interrompre des émissions à un certain moment. Donc, dès que j'ai pu revenir, je suis revenu avec des enregistrements. Je pouvais pas encore recevoir de personnes. J'ai diffusé qui les groupes qui sont passés dans mon émission, forcément ceux que je suis, ceux que j'ai découvert dans l'émission, quoi. Et que comme ça on n'oublie personne, et j'avais aussi la possibilité d'envoyer 3 heures de musique non-stop, donc je me suis pas du tout empêché de le faire, quoi. Donc tu as très bien fait. Donc depuis le début de l'année, là, on commence à recevoir des artistes à nouveau. Il y en a certains que vous avez entendu tout à l'heure. J'avais présenté des artistes. Il y en a certains que vous connaissez, non? Non, Burning Heads. Oui. Les Burning Heads. Voilà, les Burning Heads. C'est bien, ça, c'est... Ah oui, ça renvoie. Ça renvoie, c'est bien. Alors là, j'ai regardé, parce que je me suis dit, tiens, les Burning Heads, alors dernièrement, moi, j'ai fait aussi un peu de rangement dans mes disques durs, parce que j'essaie d'avoir le maximum de morceaux de tous les groupes de la région. Alors, je suis l'archiviste de l'émission Mavrica, je suis le producteur, je suis l'animateur, je suis le technicien, et justement, je regardais mes archives, et puis je me suis rendu compte, tiens, les Burning Heads, j'ai pratiquement tous leurs albums. Quels sont les albums qui me manquent? Donc, la possibilité justement de les télécharger, parce que les Burning Heads, ils ont sur Bandcamp, on peut télécharger leurs morceaux. Il y en a certains qui sont payants, d'autres qu'on peut avoir en donnant l'argent qu'on veut. Donc, je conseille aux gens qui ont envie de découvrir ce groupe-là, Et ça envoie bien. Ah oui, ça envoie bien. Ça envoie bien, voilà. Ben, ils sont déjà venus 2 fois dans les studios Radio Arc-en-Ciel. Ben, quand ils veulent, ils reviennent, hein, y a pas de souci. Ah, oui. Surtout que le titre qu'on a passé tout à l'heure, c'est un morceau du nouvel album. C'est le premier qui est sorti. Il est sorti tout à l'heure. J'ai reçu un petit message sur mon adresse mail. Et donc, j'ai été le chercher pour pouvoir le diffuser ce soir. Ah, voilà. C'est super. Les Burning Heads. Très bien. On a parlé du groupe. Le groupe, bon, on sait qu'il existe depuis 10 ans. Il a fait pas mal de concerts. Vous en êtes à combien de concerts à peu près? Vous les comptez plus? Non, franchement, je sais pas. Je sais pas. Beaucoup. Certains nous ont marqués, d'autres un peu moins. Mais franchement, non, je sais pas. Mais on y va toujours avec beaucoup de plaisir. Hein. J'ai aucune idée. On n'a jamais. On peut dire que depuis peut-être 10 ans, si on fait une moyenne, on fait peut-être, je sais pas, on fait une moyenne de 8-9 concerts par an sur 10, ça fait bien, sur 10 ans, mais pas peut-être 90 concerts. Je ne sais pas. Alors des concerts où des fois il y a beaucoup de monde, mais au début on a commencé avec 2 personnes, mais c'est les concerts quand même. Ah oui, tout à fait. Ah ben oui. Ce qui compte, c'est justement que les gens qui sont au concert soient réceptifs. Hein. Ben voilà. À la limite. Moi, je me souviens plus exactement qui c'est qui m'avait dit ça. Ils avaient fait un concert où ils disaient, ouais, il y a un concert avec des bikers, il y aura au moins 500 personnes. Et les mecs, tout contents, ils disent, ouais, on va faire un concert devant les bikers. Ouais. Mais les bikers, ils avaient roulé toute la journée, ils étaient crevés. Donc finalement, il n'y avait pas tellement de. On a déjà vécu d'animation. Ça. On a vécu ça avec des Goldwyn. Et inversement, il y a aussi des fois des concerts où il y a très peu de gens, mais les gens sont vraiment réceptifs, ils ont envie de participer, donc voilà, on passe des très bons moments dans ces concerts-là. C'est sûr. Non, mais le monde devant, enfin, on est content quand on a plein de monde devant, vraiment, ça fait plaisir, mais même si nous, on est plus habitués à jouer avec un tout petit public, parce qu'on est les Red Dave de Talcy, on n'est pas... on n'est pas les Stones d'Orléans. Donc, mais ça nous pose pas de problème, on adore ça, franchement, c'est pas le nombre qui fait qu'on y va ou on n'y va pas. À chaque fois, on mouille le t-shirt, quoi. C'est clair, on y va à fond et on adore ça. Il voilà. Ouais, y a l'ambiance. Voilà. Hein. Voilà. Et en plus, c'est vrai que moi, à chaque fois que je vais au caisson, la plupart du temps, c'est quand même rempli. Hein. Ah, il faut quand même... Oui. Il y a même des fois, vous avez refusé du public. Hein. Ouais, alors c'est pareil, ça dépend des artistes, mais en général, on remplit bien le caisson. On a une petite jauge, on a 240 personnes dans la c'est salle. C'est déjà bien. Hein. Donc, ouais, c'est bien, mais on a un bon réseau Facebook, le site internet reddaf.fr, il marche à fond. Donc ça, j'invite tes auditeurs à vraiment aller là-dessus parce qu'il y a toutes les infos de tout ce qui se passe aux caissons. Et ça fonctionne plutôt bien. Donc c'est assez facile de communiquer. C'est vrai, aujourd'hui, on arrive à remplir pas trop mal. Là, je te passe bien sûr les derniers concerts qu'on a fait, même pendant le Covid. On avait eu les 10 Ball Breakers, on avait bien rempli. Même si tout le monde était un peu en stress avec cette histoire, on est On va essayer de pas en parler trop ce soir et on va on passe aux futurs concerts qui vont bien se dérouler dans j'ai du passé, maintenant on va parler de l'avenir. Ouais, c'est ce qu'il faut, c'est regarder vers l'avenir. Ouais. Et justement, on va pas parler du Covid, mais qu'est-ce que vous avez fait pendant les deux ans là, justement? Je t'ai envoyé les morceaux. C'est là-dessus qu'on voulait en venir. Justement, vous avez enregistré des morceaux. C'est vrai que finalement le Covid nous a servi. Effectivement. Paul m'a appris à danser. Non, mais ça nous a permis de travailler nos morceaux. Parce que quand il n'y avait pas le Covid, à chaque fois on a des concerts, donc on travaille un morceau, un nouveau morceau et tout, mais il prend plus de longueur à se peaufiner, quoi, ce morceau-là, parce qu'on est, on est intercalé par des concerts. Alors que là, on savait que pendant tout le temps du Covid, je ne pensais pas que ça durerait deux ans, mais au moins pendant un an, eh ben, on a pu travailler, on a pu être fiché là-dessus. Donc ça nous a permis de justement sortir cet album et d'enregistrer 10 nouvelles chansons, et le Covid a quelque part nous a servi. Donc, entre guillemets quand même. On n'a pas pris notre... Enfin, en fait, on pourrait penser qu'on a pris notre temps, mais on n'a vraiment pas pris notre temps, mais on a beaucoup plus travaillé que le premier album. Voilà. Pascal Jardon, qui a fait notre directeur artistique, on va dire, sur l'album, je crois que c'est comme ça qu'il s'appelle, il a été très exigeant, plus que nous, on aurait pu l'être tout seul. Il avait un œil extérieur, lui, il a beaucoup d'expérience avec les albums qu'il avait déjà fait, du temps de Mona Lisa et tout ça. Donc Pascal a été est venu chercher des choses qu'on n'aurait pas été chercher en temps normal. Le fait qu'on ait du temps avec le Covid, le fait que Pascal ait dit « je m'associe avec vous sur l'album pour vous filer un coup de main, si vous en avez envie », et bien sûr que nous, on attendait que ça. Donc, on a fait un bébé, là, on l'écoute, et on est vraiment très très fiers de ce qu'on a fait, mais on pourrait dire on a pris du temps, on était peinards, on a fait notre truc. Non, on a bossé comme des dingues avec les copains qui nous ont vraiment tirés, dont Pascal qui disait bah non, un petit peu plus, un petit peu moins, un petit peu de truc. Tiens, ça, ouais, super, mais est-ce que on ferait pas ça? Est-ce que ceci, cela? Donc, ça nous a pris beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps. Et écoute, nous, perso, on est contents de ce qu'on a fait. On est vraiment fiers de ce truc-là et fiers de ce qu'on a présenté, ce qu'on va vous présenter pour les futurs concerts et sur le CD. Vraiment, on est comme des dingues, quoi. Vraiment, vraiment. On est super fiers du truc. Alors, qu'est-ce qu'il y a de différent par rapport au premier album? Alors, voulu mettre l'accent? Ouais. On a des invités. On a pris sur l'album, on a des invités de choix, alors bien sûr. Alors, premier album aussi. On avait nos musiques. Ça faisait un petit moment qu'on jouait ensemble. C'était déjà pas mal rodé, donc on avait fait ça un peu plus vite, mais parce qu'on était déjà bien entraîné au truc. Et le deuxième album, bon, on a vraiment créé pour le deuxième album. Donc là, ça change vraiment la donne. On a des invités, Pascal qui s'est greffé comme directeur artistique, il a fait aussi le mix. Et les invités, on a dit on voudrait des chœurs. Donc on a des chœurs féminins. On a demandé aux copines Tumata et Claire Plaisant si elles accepteraient de venir nous faire un petit cadeau sur deux morceaux. Donc ça, on a un peu bossé ça et on a un peu écrit les morceaux en fonction de ce truc-là. Et puis, on écoutera probablement tout à l'heure un morceau, ça va changer un peu les gens qui nous connaissent, avec un harmonica, Dominique Valade est venu poser son Blues Factory, voilà. qu'on a déjà reçu ici. On le présente plus, Don, ouais, mais un des plus grands harmonicistes de la région, il faut quand même bien le dire. Hein. Ah oui, oui. Alors, et d'ailleurs, sur une idée, on avait fait un morceau, et ce morceau était, on le voulait un peu guitare sèche, vraiment, c'était une balade, ça change. Ce morceau-là était un peu particulier pour nous. Et si tu veux, Pascal, quand il l'a fait, excuse-moi, je bafouille un petit peu, mais Pascal, quand il a fait le mix, il s'est dit super, mais il manque un truc. Et sans rien nous dire, il a appelé Dominique, il a dit écoute, viens voir, je t'envoie un truc, regarde ce que tu peux faire, tout ça. Et puis ils ont posé l'harmonica, tous les deux, ils ont fait ça. Et Pascal nous a appelé en disant bon, je vous le propose, si ça vous plaît, on garde, on modifie, on fait des trucs, si ça vous plaît pas, on enlève, il y a aucun problème, il a surtout pas voulu nous imposer ça. Et quand on a écouté, on était scotchés parce que ce morceau-là, c'est une autre dimension et c'est vraiment l'esprit de l'écriture. Tu verras, quand on écoutera tout à l'heure, c'est une espèce de balade tranquillou qui est un peu émouvante. Donc, on était très contents. Donc, ça a pris du temps, tous ces invités. Alors, je profite pour refaire un petit peu pour le concert du 25 et 26 mars, mais ces invités-là, ils seront là. C'est le 25 et 26 ? Oui. Ouais. Okay. Vendredi soir, d'accord. Samedi soir. Okay. Et on aura Dominique Valade, on aura Pascal Jardin, on aura Toumata, Claire. Les copains seront là. Et tout le monde sera là. Ouais. On y tient et vraiment, enfin, ça nous tient à cœur. Alors, on va expliquer aussi pourquoi il y a deux dates. Alors, au départ, c'est toujours cette histoire de Covid. Voilà. Au départ, on s'est dit, si on a une jauge, autant qu'on... Tout de suite, on diffuse les deux dates. Et puis, on a l'impression que ça va se détendre un peu avec toute cette histoire. Mais on a décidé de garder les deux dates. On sera un peu moins serré dans le caisson que d'habitude. Mais bon, tant pis. Ça laisse une liberté. Les gens qui ne peuvent pas venir le samedi viennent le vendredi ou vice-versa. Donc, bon, on a décidé. On est chez nous, donc il n'y a pas un engagement financier très fort. Les bénéfices de ce concert vont servir à relancer le caisson pour les concerts futurs avec les futures programmations. Albino, tu connais notre façon de fonctionner financière du caisson. Donc Red Daff alimente avec ses cachets pour que les autres groupes puissent venir jouer parce que les entrées ne suffisent pas à alimenter tout ça. Donc là, on repart avec nous. C'est nos 10 ans. On relance le caisson de 2 ans. Il y a plein de trucs qui font que... Je sens que vous avez envie, là. Parce qu'en même temps... Ah bah oui. Attends, je fais que parler, mais je vais laisser mes potes parler. Non, mais il parle très bien. D'ailleurs, il va peut-être se lancer à la présidentielle. Votez pour moi. Ah bah je vote pour lui, hein, y a pas de souci. Ah, je vois quelqu'un qui arrive. Ah. Voilà. Parce qu'en même temps, j'ouvre la porte, hein. Effectivement. Il y a Fanfan qui arrive, qui va venir nous rejoindre. Surtout que c'est lui qui a les bières. ce que je propose, c'est qu'on écoute tout de suite un premier morceau, parce qu'on a quand même 10 morceaux à écouter. Il y a 10 morceaux dans l'album. L'album, il s'appelle comment d'ailleurs ? L'album s'appelle Faune. Faune ? Donc c'est une histoire de téléphone et... Oui, mais il faut expliquer Faune, c'est pas F-A-U-N-E, hein, c'est Faune, le téléphone. C'est le téléphone. Téléphone. Donc là, c'est pas le morceau que tu nous passes, là, si on va passer. Non, là, c'est le titre de l'album, mais sinon, le morceau qu'on va passer, c'est celui qui m'a dit de caler. Alors, Captain Watson. Voilà. Captain Watson, on en parle maintenant ou après ? On envoie le morceau et puis on en parle juste après. On attend que l'enfant s'installe avec nous. Ok, super. On fait comme ça ? Ok. C'est parti. Du monde, je n'achèterai jamais l'affaire. Je vous mettrai dans une tombe pour toutes vos pêches sanguinaires. Sur tous les océans du globe, rappelez-vous de Paul Watson. Contact les bras de fer. Vous m'avez déclaré cette guerre. Avec mon armée et mon radeau, je pars sauver les animaux. La Norvège. l'Espagne, le Japon et Cuba veulent tous me voir en prison. L'Allemagne ira jusque l'extradition. À toutes les instances et Interpol, rappelez-vous de Paul Watson. Bonsoir à tous les auditeurs de Radio Arc-en-Ciel 96.2. C'est Florent Migo qui fait l'enregistrement 7 jours sur 7. Voilà, un petit message de Florent, notre auditeur préféré. En plus, il est toujours fidèle, il enregistre toutes les émissions et c'est les émissions que vous pouvez retrouver après sur le podcast. Donc on remercie notre ami Florent, il nous a envoyé un petit message. J'avais envie de le diffuser comme ça à la fin de cette chanson. Donc c'est le premier morceau des Red Daff que nous écoutons ce soir. Ça s'appelle Captain Watson et on va demander aux Red Daff qui sont présents ce soir de nous le présenter. En plus, on a été rejoint par le batteur Fanfan. Ça va, Fanfan ? Ça va pas mal, merci. Bon, bah super. Très bien, mais en tout cas, ça fait plaisir de vous voir parce que c'est vrai qu'on s'était habitué à se voir régulièrement parce que le caisson, c'est pas très loin d'Orléans. On va à Talcy, il y a une très belle salle avec des très bons artistes. À chaque fois, moi, c'est vraiment un plaisir. Vous avez vraiment un choix de musiciens qui est vraiment formidable. À chaque fois, c'est un plaisir d'aller là-bas, vous voir. Et puis, on se rencontre, on discute, on dit alors, voilà. Et puis là, depuis un petit moment, c'était un petit peu Depuis un petit moment, c'est le désert. Hein. C'est le désert. Donc, ça va revenir. Bah, justement, Antoine nous disait que ça allait repartir, l'association, le caisson, le groupe. Bah, tout ça, voilà. Donc, et puis ce superbe album qu'on écoute qui s'appelle Phone, comme le téléphone. Comme le téléphone. Voilà. Alors, ce premier morceau, c'était donc on avait les chœurs. Et sur une musique de Pascal. C'est un morceau qu'il nous a offert. Il nous en a offert deux sur l'album. Donc, celui-là, c'est le premier, avec un gros riff de guitare, comme Pascal sait bien les faire. Et c'est l'histoire du capitaine Paul Watson. Ouais. C'est une cause qui nous touche particulièrement. Et ce type est un pirate des temps modernes et qui défend une belle cause. Et la façon dont il s'y prend pour défendre, c'est-à-dire une façon un peu rock'n'roll et viril, nous plaît. On aime ce mec, on aime sa façon de faire. Et comme on le dit dans la chanson, tant qu'on aura toujours des crétins pour aller faire n'importe quoi et bousiller tout ce qui peut se faire de bien sur cette planète, on n'est pas des super méga écolos, mais quelques causes nous touchent, dont la cause animale. Bon, c'est Voilà, on avait envie de parler de ce gars et de faire une chanson sur ce type qui est quand même... Alors c'est vrai que j'ai pas suivi les nouvelles, mais à une époque, je me souviens qu'il, bon, lui, carrément, il attaque. Il attaque les bateaux. Il va carrément au fond. Quand on dit il est viril, il est viril. Ouais, c'est-à-dire que lui, il a une flotte de bateaux, donc c'est une association, hein, je crois. Six Schaeffer, voilà. Et donc, ils ont des bateaux, et quand ils voient, par exemple, des gros bateaux qui tuent des baleines et tout ça, parce qu'on sait qu'on n'a pas besoin de tuer des baleines. C'est pas pourquoi on le fait. Il y a des interdictions. Ces gens se foutent totalement des lois et de tout ce qui peut se passer. Donc ça, c'est inadmissible. Après, il y a une loi, on a le droit, on n'a pas le droit. Bon, voilà, nous, on n'est pas là pour discuter de ce genre de truc. Mais quand on dit non, on arrête, c'est pas bon, et tout le monde est d'accord, la planète entière est d'accord, mais personne se met... Il n'y a pas de flic sur les mers, donc il ne se passe rien et personne ne dit rien. Donc c'est un peu le justicier. Sauf Paul Watson. Et c'est pour ça, il nous plaît. C'est le pirate des temps modernes. Voilà. Et mais à un moment, je me souviens qu'ils avaient été attaqués aussi, ils avaient perdu les bateaux. Donc c'est carrément c'est super viril. Et encore, à la limite, bon, c'est interdit, bon, qu'il y ait des exceptions, des choses comme ça. Bon, on sait qu'on ne peut pas contrôler tout le monde. Mais le problème, c'est que les baleines sont en train de carrément disparaître. Là, on arrive à un point, on se dit, tiens, nos enfants ou nos petits-enfants, ils vont peut-être pas connaître ça. Ils diront, tiens, ça sera comme les dinosaures, on en parle, mais on les a jamais vus. Et là, ça serait quand même dommage, parce que c'est quand même des animaux qui sont formidables, c'est magique. Moi, c'est un truc que j'adorerais voir, c'est des baleines vraiment de près, quoi. C'est quelque chose. Il y a une question, la prochaine fois, on en amène. D'accord. Donc, ce type, il a choisi la voix virile et pas. Il n'est pas très politique et pas politiquement correct. Et bon, voilà, c'est en ça, vraiment, il nous plaît. D'accord, bah très bien. En tout cas, c'est bien de lui rendre hommage à travers ce morceau. Ça s'appelle Captain Watson. Et c'est tiré de l'album Faune des Red Daff, qui sont présents dans cette émission numéro 498. Vous êtes passé pas loin des 500. Il me semble, enfin, si ma mémoire n'est pas mauvaise, on avait fait là peut-être bien 300e, je crois. Ah ouais, c'est possible, ouais. Oh, ça, on peut retrouver. On a tout ici. Il me semble qu'on avait fait la 300e. Si on fouille un peu sur Facebook. D'ailleurs, j'invite les auditeurs, parce qu'il y en a régulièrement, je vois qu'il y a des j'aime sur des albums que j'avais un peu oubliés. Donc, je vois, il y a des j'aime sur Facebook. Il y a même telle photo. Je regarde la photo. Je dis, oh là, c'est publié depuis au moins 3 ou 4 ans. Mais bon, il y a encore des gens qui découvrent. Donc, il faut savoir que les albums qu'on met sur Facebook, c'est les albums de chaque émission. Elles ont un numéro. Donc, vous allez sur Facebook, sur la page. Il y a les photos. Dedans, il y a des albums, et vous remontez, il y a des numéros pour chaque album, et vous pouvez retrouver des émissions qui ont été... Ouais, donc voilà, il y aura forcément des photos des Red Daff lors des derniers passages que vous avez fait ici dans les studios de Radio Arc-en-Ciel. Et puis ce soir, bah, j'ai amené l'appareil photo, et puis rebelote, on refait des photos. Et tu sais que normalement, on a un photographe presque exclusif, tu le connais. Ah bah oui, quelqu'un que je connais bien, en plus on a fêté notre anniversaire hier ouais, ou avant-hier. Tu sais, il nous a fait des photos, toutes les photos de l'album. Ah bah oui. Il nous fait toutes les photos en général, au caisson, sur tous les concerts. Enfin, il est vraiment partout. C'est une référence. Hein, c'est quand même un artiste qui a l'habitude de photographier les concerts. Et c'est vrai que les photos de concerts, c'est un peu particulier. Ah bah et oui. Lui, vraiment, c'est le photographe des concerts du caisson. Et là, et il pas nous a que, fait, hein, il va un peu pas. Il nous a fait les photos de l'album, toutes les photos que tous les gens qui sont sur le Facebook Red Daff et qui voient les affiches, les photos qui sont diffusées, où t'as vu, on a vachement l'air costaud et tout. C'est d'homme. Il les a modifiés, non? Moi, il n'a pas eu besoin. Non, en plus, je sais que Dom Rousseau, hein, on va le nommer, lui, il n'est pas... Il va pas retoucher à outrance les images. C'est vraiment la capture de la réalité, quoi. Et c'est vrai que c'est compliqué avec les lumières et tout ça, mais il le gère très bien. Et puis c'est vrai qu'il a une collection de photos de plein d'artistes qui sont passés aux questions et partout. Ouais. Bah, à chaque fois, c'est super bien, quoi. Et en plus, c'est quelqu'un qui est très, très agréable, très gentil. Ouais. Et puis on lui fait un petit coucou s'il nous écoute. Ah, oui. Non. Non. Voilà, on va parler petit à petit de plein de gens qui gravitent autour du caisson et des Red Daff. Alors, si on parle de Dom, il faut qu'on parle de l'association Roquin, dont il fait partie, qui est la grange à Saint-Laurent. Et ils sont comme nous, ça fait longtemps qu'ils n'ont pas fait un petit concert avec tout ça. Je crois qu'il se passe des trucs, je sais pas, ils en parlent, ils vont... Saddam, il faudrait qu'un jour tu vois avec lui, qu'il te dise un petit peu ce qui va se passer à la gauche. Ouais, bah d'ailleurs... Il va se passer des choses, ça c'est sûr et certain. Il faut qu'il vienne dans les studios de Radio Arc-en-Ciel, c'est voilà. Toujours un plaisir de le recevoir, il est déjà venu à plusieurs reprises. Alors moi, quand j'ai des photographes qui viennent ici, alors moi je prends les photos hein, régulièrement, mais quand j'ai des photographes, je leur laisse, je dis c'est toi qui t'en occupes. Et ça a été le cas avec Pascal Garcia, et Dom, quand il vient ici, c'est pareil, il prend les photos, et puis comme ça, lui, c'est lui qui s'occupe de l'album. Voilà, donc en plus il connaît énormément de groupes, il connaît plein de choses. C'est quelqu'un, ah ben oui. C'est une vraie bible. Très bien, donc l'album va bientôt sortir en CD. Vous pourrez vous le procurer le 25 et le 26 mars au Caisson. C'est ouais, ça, hein, voilà. Ouais. J'apprends et puis j'espère que je me trompe pas. Et donc à l'occasion des deux concerts, parce qu'il y aura pas un concert, mais il y aura deux concerts. Ouais. On est des fous. Deux fois le même. En principe, hein, ils seront jamais pareils. Attends, avec non, là, on peut pas trop mettre ça. Là, ouais, on s'avance pas là-dessus. Non, alors, on a préparé un vrai spectacle. Là, c'est un vrai spectacle. Ah, ouais, il y a une mise en scène et tout ça. Ouais. Alors, jusqu'à maintenant, ça se faisait pas, ça. Vous avez. Mais si, on t'a dit que pendant le Covid, Pomme avait appris à danser. Oui. Donc, si tu veux, voilà, on a fait une espèce de chorégraphie. Ouais. Et tout le jour, on va se marrer parce que c'est assez compliqué, hein, tu vois. Un mec qui s'appelait Michael Jackson, il faisait des trucs, mais Pomme, il fait deuxième par rapport à Pomme. Voilà. D'accord. J'allais allumer les plaques quand même sur la scène. On a préparé. Non, on rigole, mais on a bien sûr un peu de chorégraphie à la con, mais on a préparé quand même des choses pour faire un vrai spectacle et un vrai show. Ok, les 10 ans, c'est vraiment. On veut que ça reste. On veut que ça reste dans les mémoires. Alors, on s'est fait plaisir. 10 ans, ouais. Et on a préparé un vrai truc avec, bien sûr, les copains de l'asso qui sont à fond sur le truc. Donc, on vous prépare des surprises et ça va être. Franchement, je crois que ça va être sympa. Après, les deux soirs, le même concert, oui. Sur le principe. Ouais, ça serait les mêmes chansons. Les mêmes chansons, les mêmes. L'interprétation, on te promet rien. On verra. Vous garderez la meilleure comme ça, bah, ouais. Si vous enregistrez. Exactement. Alors, tu me fais penser direct, je pense à Alexia Hurier qui va capter le concert. Donc, d'accord. Je me souviens plus si elle vient le vendredi ou le samedi, je me rappelais plus ce qu'elle avait dit, ce qui est convenu. Mais on va capter, on va essayer de se servir de ces images-là pour faire un petit clip, monter un petit truc sur une des chansons. Voilà. Donc, ça, chose qu'on n'a jamais fait. Mmh. On a toujours capté avec nos téléphones. C'est pour ça qu'on a fait une chanson qui s'appelle Phone. Et oui. Donc là, elle va faire un vrai truc un peu pro, quoi. D'accord, bah très bien. Bah, voilà, comme ça, on sait qu'il va y avoir des clips. Ça sera un clip vidéo ou ça sera vraiment on fait un long métrage directement. Un long métrage directement. Le prochain dans Barakane. Le DVD. Non. Pour l'instant, on ne sait pas encore. On va capter les images et après on verra. Après on verra. On pourrait faire plusieurs montages. À la limite, vous en servir pour des clips et peut-être vous en servir aussi pour faire peut-être un genre de ça me revient pas. Donc pour garder quoi, c'est-à-dire un déroulement du concert complet. Voilà. Très bien. Vous avez choisi le truc faune. Alors pourquoi? Parce que déjà vous captez les concerts avec votre téléphone, parce qu'aujourd'hui le téléphone sert aussi à prendre des photos. Il faut quand même le dire. Aujourd'hui le téléphone sert à beaucoup de choses. Sert à tout. Même, hein. Et on téléphone presque plus avec. Et tu regardes les. Ouais, exactement. Mais ouais. C'est sûr. Les trois quarts des gens, si tu veux, s'ils ont pas. Enfin, si on l'a pas, parce que je m'inclus dedans aussi. Mmh. On est un peu perdu, quoi. Bah, y a tout dedans. Il y a les photos, il y a l'agenda, le contact internet. Dès qu'on veut savoir quelque chose, même. Envoyer un mail. On fait plein de choses avec ça. Et c'est vrai qu'on se dit, le jour où je le perds, là, je suis un peu perdu, quoi. Le problème du téléphone, c'est que c'est un super outil, mais ça ne rend pas plus intelligent. Non, au contraire, c'est qu'on se repose sur lui. Oui. On se repose sur lui. Donc, la chanson, elle dit pas mal, des fois. La chanson, c'est un peu... C'est un petit foutage de gueule où, tu sais, on dégaine toujours pour faire le selfie, le truc, on croise, les gens croisent un peu une célébrité, bing, on veut une photo, ouais. Tout, c'est super. Bon, avec nous, personne ne le fait encore, Ça viendra. Non, mais tu vois, alors, on se moque un peu de ce truc, on se moque un peu des... Les gens qui sont accros à ça, quoi. Ouais, des réseaux sociaux où on se moque pas du du réseau, sur le mode réseau. On se moque de la haine parfois qui est un peu déversée là-dessus. Et puis, ça nous fait marrer. On dit, dans la chanson, c'est un petit peu une arme, un petit peu un truc, voilà, comme ça. Donc, c'est plutôt le côté, le mauvais côté du téléphone qu'on a exploité pour cette chanson. C'est surtout le mauvais côté chanson, qu'on exploite pour, voilà. Pour ça, ouais. C'est surtout ça. Très bien, donc c'est bien d'en parler. Alors là, ce qu'on va faire, on va écouter cet album-là peut-être dans l'ordre. Hein. On avait écouté Captain Watson qui était le morceau numéro combien numéro 4 ou 5, vous avez dit qu'on allait l'écouter dans l'ordre, on va commencer par le 5. Non, je sais pas. Attends, numéro, je peux te le dire éventuellement. Ouais, hein, non, mais je le retrouvais, c'est pas bien grave, on va l'écouter tout de suite. Voilà. On va l'écouter. C'était le numéro 4. Là, on va écouter le numéro 1. Okay. Donc, ouais, voilà, c'est tout à fait logique, on écoute le 4, le 1. Le 1, c'est lequel? Le 1, c'est Jet Set Boogie. Ouais. Ça, François, voilà. Tu peux en parler plus. Tu veux que je t'en parle de Jet Set Boogie? Ouais, bah allons-y. Hein. Ah, c'est une histoire bizarre, Jet Set Boogie, en fait. Il y a quelques années de ça, à peu près 20 ans. J'ai écrit cette chanson-là et... Ah, t'étais tout jeune, alors? Bah, 12 ans. Il avait 20 ans de moins, quoi. Tu vois? Et non, mais tu sais, on a eu un passage où on a beaucoup entendu parler de la jet set. Et nous, on est à milieu de ce truc-là et tout ça. Et ça me faisait bien rigoler. Donc, je me suis dit, on va écrire une... J'avais écrit une chanson comme ça en rentrant du boulot un matin. Et puis, c'était resté dans le placard. Et là... Là, à l'occasion du deuxième album, on s'est dit, tiens, on a cherché ce qu'on avait un peu sous le coude et tout ça. Et puis, j'ai retrouvé ça et je l'ai filé aux gars. Ils en ont fait un petit riff qui est vraiment sympa. Et puis, Fab a arrangé un boulet parole à sa sauce. Et puis, c'est devenu Jet Set Boogie. D'accord. Voilà. Ben, on l'écoute et puis après, on continue à en parler, si tu veux. Ouais, pas de problème. C'est parti, on écoute Jet Set Boogie avec les Red Daff. We'll be right back. brusquement. Tiens, le téléphone, ouais, téléphone qui sonne. Qui sonne juste au moment où on reprend l'antenne. Je le coupe à ce moment-là. Ah, c'est bon. Ah, c'était toi qui appelais ? Non, c'est celui qui est là. D'accord, ok, bon, de toute façon. Les auditeurs ont la parole, vas-y. Tout à l'heure. Prends-le, on va. Si. Daniel, tiens, un truc un peu. Ouais, bonsoir. Oh. Oui, voilà. C'est ça que je pensais. C'était bien. On essaiera de le voir tout à l'heure. J'appelle parce que j'ai un problème, Albino. D'accord. Voilà, vous avez un problème, appelez-nous. Nous allons le résoudre. Donc, on vient d'écouter Jet Set Boogie. Donc, tu nous en as parlé un petit peu. C'est toi qui étais à l'origine de ce morceau, Fanfan. Et après, donc, voilà le morceau final. Moi, je suis juste à l'origine de l'idée. On va dire de l'idée. D'accord. Il y avait des paroles décrites, et après on a procédé comme on fait d'habitude. Quelqu'un amène une idée, et après on travaille tous dessus, quoi. D'accord. Voilà. Justement, quoi. C'était la question que j'allais vous poser. Comment ça se passe pour la composition d'un morceau ? Alors, pour la composition d'un morceau, tu vois, on amène une idée principale, enfin une idée générale. Pour le coup, la chanson était déjà bien écrite. Et puis, on propose à Fab, surtout, parce que Fab est le chanteur, et c'est à lui de dire si ça convient ou pas, si tu veux. C'est pas nous qui les chantons, les paroles, donc... Ouais, il faut qu'il mette de la conviction, il faut qu'il ait envie de les chanter, et s'il y a quelque chose à retoucher, il retouche. Alors Fab, si tu écoutes les prochaines chansons, tu arrêtes de tout retoucher. Merde. Et on a dit qu'on pouvait dire tous des pires trucs sur lui, comme il est pas là, il n'écoute pas. Non. On en profite. Et puis il a pas de copain, si tu veux, donc personne va lui dire. Tiens, ils ont dit des saloperies sur toi. Non, puis du coup, il écoute pas en plus. voilà comment ça s'est fait. Et puis après, une fois que l'écriture est posée sur un papier, quelqu'un amène peut-être une phrase musicale, et puis c'est une composition qui peut aller sur ce texte. Un autre dit, là on va couper cette phrase là, moi je préférerais qu'on fasse ça, voilà, et puis ça travaille collectivement comme ça, donc ça fait une composition musicale de tous les musiciens qui sont là, quoi, même le batteur, hein, qui est, voilà. Bah, qui est quand même un petit peu un musicien. bien sûr. Ah ouais. On le découvre. Sur des gamelles. Voilà, effectivement. Ah bah, c'est Dominique. Et c'est lui qui donne le tempo quand même. Hein. En plus, tu sais pas, mais il est toujours en train de nous dire, de toute façon, la colonne vertébrale, c'est basse batterie. Ah, tout à fait, c'est vrai. C'est là-dessus que viennent se greffer les autres. Et donc, même le batteur, il fait de la musique. Même le batteur. Donc voilà que ça se passe en général pour toutes les chansons. Ouais, donc c'est tous ensemble que vous composez, que vous rajoutez la musique. Après, vous faites peut-être des essais. Tiens, on essaie. Tiens, on essaye. Je te dis pas le nombre de fois qu'on les a joués, ces morceaux-là. Si ça plaît pas, on passe à autre chose, on laisse tomber. Ce qui nous plaît, on garde ce qui nous plaît de chacun, et puis voilà. Et c'est une négo, vraiment. Il y a une négociation. Parce que forcément, t'as des idées qui plaisent plus que d'autres. Ouais, forcément, on a tous une sensibilité différente. Et voilà. On est un groupe syndical. T'amènes ton idée, et toi, ça fait un petit moment que tu l'amènes au groupe, tu dis, ouais, j'ai un truc, mais ça déchire un fond, on l'amène ça au groupe, ouais, ils vont tous... Tu le fais écouter, ils disent, ouais. C'est qu'on le rebosse, toi. Non, c'est pas de... Donc là, c'est bon. Et si on fait comme ça, c'est pas mieux. J'imagine, ça doit pas être évident. Est-ce qu'il y a des morceaux qui plaisent directement à tout le monde? Oui, t'as des morceaux qui tombent tout seuls. La claque sur le premier album, c'était arrivé tout seul, ça. C'était une évidence, ouais. on a l'impression pour le jouer, le truc. D'accord. Ça tombe tout seul, que ce soit la guitare, la basse, la batterie. C'est vrai c'est un des morceaux qu'on diffuse peut-être le plus de vous. C'est bien. La claque, c'est quand même. Ouais. C'est vrai que ça vous va bien. Tu sais, la claque, c'est un petit peu la grange de ZZ Top. Hein. Tout à fait, c'est ça. Ouais. C'est Smoke on the Water. Deep Purple. C'est ça. C'est Satisfaction des Rolling Stones. Non, mais c'est rigolo parce que t'as des morceaux, des fois, arrivé à un moment, c'est pas que t'en as marre de les jouer, mais on t'a envie de passer un peu à autre chose, quoi. Et la claque, en fait, ça fait maintenant, 6 ou 7 ans qu'on la joue. À chaque présidentielle, hein, d'ailleurs. On la joue quand même un peu entre les deux, quoi. Et moi, pour ma part, c'est pas un morceau que je me lasse de jouer, quoi. Et je pense que le public l'attend aussi, cette chanson-là. Bon, il y a celle-là, il y en a plein d'autres. Mais, je sais pas, mais en tout cas... C'est vrai que celle-là... Pour ma part, j'adore toujours la jouer. Mm-hmm. Bon, il faut dire qu'elle claque quand même. Hein. C'est normal. Et elle était facile, celle-là. Il faut pas me tendre la perche. Tiens, il y a notre ami Dom, justement, qui nous écoute. Parce qu'on parlait de lui tout à l'heure, forcément. Un petit merde. Le photographe Dom Rousseau qui nous dit « Salut les potos, des Red Daff et salut Albino. Je vous écoute depuis ma voiture. Qu'est-ce que vous parlez bien, les gars ?» Donc, apparemment, vos interventions au téléphone sont bien entendues. Très bien, bon, on lui fait un gros coucou. On espère le voir très très bientôt, en tout cas. Après, il y a aussi, qu'est-ce que je voulais dire? Alors, j'ai préparé plusieurs trucs, hein, parce que moi j'essaie de travailler pendant qu'il y a des chansons et tout ça. Donc, au caisson, le vendredi 25 et le samedi 26, il y aura donc le concert. Donc, deux jours de suite, les Red Daff. Et alors, vous allez être tout seul ou comment ça va se passer? Ouais. Tout seul. Ouais. Comme des grands. Ouais. Mais là, c'est un grand spectacle. C'est le show, quoi. C'est le show, quoi. Si tu veux, on arrive à. Aujourd'hui, on arrive à un moment du groupe, un âge du groupe, si tu veux, où on arrive à quasiment, avec nos morceaux, à jouer deux heures. Donc c'est bien. Alors on va aller jouer, quoi. Bah super, alors. Comme je te disais tout à l'heure, comme on a plein d'invités et on a vraiment préparé quelque chose. C'était difficile d'inviter des potes faire une autre partie, première ou deuxième, mais c'était vraiment difficile. Et là, on voulait vraiment, en termes d'organisation, et puis on voulait vraiment claquer le truc en disant, bon, si ça se fait, super, on va tout faire pour que ça se fasse nickel. Si ça se fait pas, Covid, machin, truc, parce qu'on l'a quand même préparé depuis un moment... on voulait pas engager des choses, on voulait que ce soit simple, et le fait qu'on soit tout seul, il n'y a rien de plus simple. Ouais. Mmh. Il y a Yael Poupeau qui voulait absolument faire notre première partie. Ouais. Mais bon. On l'a viré. On l'a viré direct. Surtout qu'il est déjà venu au moins deux reprises. Hein. Deux fois. Très bien. Bon, donc voilà, il y aura vous allez interpréter des morceaux du premier album. Oui. Du deuxième album. Oui. Est-ce qu'il y aura aussi des petites surprises Du genre. Des reprises. Oui, bien sûr. Des reprises, ou alors des morceaux que vous n'avez pas encore joués. Qu'on n'a jamais joué. Que vous avez. Oui, il y en a. Aussi. Ah bon, oui. Ah bon. Bah, vous les avez mis, vous m'avez pas dit. Ah bah, ils vont te prévenir. Ah oui, non, mais c'est pas toi le batteur ce soir. Ah, t'as pas dit. C'est la boîte. T'es viré d'ailleurs. On attendait même 498 pour te virer. Voilà, donc maintenant c'est dit. Merde. C'est officiel. Bon bah, messieurs, je m'en vais. Le nouveau batteur, il est là. Voilà, on l'a calé tout de suite. Enchanté. On a calé des morceaux. Oui, mais sur la fin. Oui, la fin. Oui. Ça sera, oui. Voilà. Pour les rappels, non, c'est ça? C'est pas des. Mais on peut pas en dire plus. On peut pas en dire plus. Oh, bien, merde. On voulait pas dire des trucs, et moi j'en ai trop lâché, mais bon. Mais c'est pour ça, nous. C'est pas possible. Donc en fait, c'est des surprises. On prépare des trucs. Très bien. Non, donc voilà, ça sera Fandard. Donc c'est au mois de mars, ça sera le 25 et le 26. Ouais. Et avant, il y aura aussi des événements. Donc alors là, jusqu'à présent, c'était un peu le calme plat. Mais sur, il y a une nouvelle page sur Facebook, c'est le nouvel agenda de Mavrika, où il y a effectivement votre concert, et il y en a aussi d'autres. Et j'incite les gens à aller justement découvrir ce nouvel agenda de Mavrika sur Facebook, où il y a toutes les dates de tous les groupes qui m'envoient des invitations. Donc je les partage. Et si vous êtes un groupe, vous pouvez partager directement dessus. Hein. Moi j'ai un œil dessus, c'est-à-dire que c'est un groupe qui est ouvert, une page qui est ouverte, vous pouvez poster ce que vous voulez, à partir du moment où c'est un rapport avec les artistes, donc ne vous gênez pas de mettre vos événements, et effectivement s'il y a un truc qui n'a rien à voir là-dedans, je peux me permettre de l'enlever, hein. Voilà, c'est quand même moi qui ai créé. C'est quand même un peu normal. Ce qui est un petit peu normal. Et justement, pour la semaine prochaine, il y a un événement, alors c'est le Creek Fest. Vous étiez au courant de ce concert-là? Le Creek Fest. C'est organisé par notre ami Christophe Danaker. Et il y aura donc plusieurs groupes. Alors c'est le premier, hein, c'est le numéro 1. Donc ça sera le samedi 26 février, la semaine prochaine, à 19h02. Bon, ça a été marqué comme ça, 19h02. Ah ben, non, il faut être précis dans la vie. Hein. Voilà, ça sera avec plusieurs groupes. Il y aura les Dark Revengers, je pense que ça se dit comme ça. Les Broken Arms. et le groupe Prisma, dont fait partie notre ami Christophe. Ça sera l'Espace Sologne, rue du Stade à Cléry-Saint-André, donc c'est dans le 45-370. L'entrée est à 10 euros, donc 3 groupes pour 10 euros, ça vaut vraiment la peine d'y aller. Hein. Et l'ouverture des portes sera à 19h, et le concert commence à 19h02, hein. Donc n'oubliez pas d'y aller. Donc voilà, je tenais vraiment à parler de ce concert-là, parce que c'est le premier, c'est vraiment une nouvelle association qui lance un nouveau festival, hein, on va dire ça comme ça. Donc c'est à Cléry-Saint-André, et donc avec des groupes qui envoient du bois. Donc si vous avez l'occasion d'y aller, si vous avez envie de sortir après tous ces mois de Covid, allez-y, ça sera l'occasion de bien vous amuser. Voilà, le message est passé. Puis il y a encore plein d'autres choses, hein. Allez sur le nouvel agenda de Mavrika. Alors j'avais une page déjà, l'agenda de Mavrika, mais je ne peux plus rien partager dedans, je ne comprends pas pourquoi. Donc j'en ai créé un autre, c'est pas grave, hein. L'autre on l'abandonne, c'était des événements qui sont déjà passés. Voilà. Je ne trouve pas moi. Tu le trouves pas, le nouvel agenda de Mavrika? Non. Ah si, normalement il y est. Bon, bah, on va essayer de voir ça au fur et à mesure. S'il y a un problème pour le voir, bah, justement, il faut peut-être résoudre ces problèmes. Parce que c'est quand même important de dire aux auditeurs d'aller au concert. Voilà. Très bien. Donc, bah, on va continuer à discuter ensemble, à découvrir justement ce nouvel album. On a écouté deux morceaux. Le temps passe très vite. On est déjà pratiquement que j'essaie de... Alors, il y a plusieurs heures là-dedans. J'essaie de trouver la bonne. 20h24. Donc, on est pratiquement déjà à la moitié. Hein. Ça passe très vite. Ah, oui. On a écouté que deux morceaux de vous. Hein. Ah, donc, ça veut dire qu'on parle énormément. Tu lâches le truc et puis viens, on va boire un coup. Donc, on écoute le troisième morceau. Oui, on fait oui. Comme ça. Alors, le troisième morceau, il s'appelle comment? Il s'appelle J.O. Ozone. Hein? Ah non, c'est pas ça. C'est pas le. Alors, attends. Ça, en plus, c'est le deuxième morceau. Ça, hein. D'accord. C'est de ma faute parce que ce que je t'ai envoyé. Ah, c'est pas dans l'ordre. Si, c'est dans l'ordre. Mais c'est Joe. Oui. Mais je t'ai envoyé avec des noms. On n'était pas encore. Enfin, le nom du morceau était ficelé, mais c'était des codes pour nous, pour le. D'accord, oui. La distribution. Donc, le morceau s'appelle Joe. C'est un. Alors, il faut qu'on te dise de quoi il s'agit et tu vas rigoler parce que on en parle après. On l'écoute. Je fais attention aux paroles. Et puis, tu fais bien attention et peut-être que tu vas deviner de qui on parle dans ce morceau. D'accord. On écoute tout de suite Joe, le groupe Red Daff. Un petit boulet décontracté, et même plusieurs pour t'enflammer. Pas d'arsène sur ton ampli, pas de pédale, d'effet pourri. Gros embriquiche industriel, dérive de fou sur tes gamins. Thank you. s'arrête. Plus envie de parler, plus envie de m'exciter. J'ai même plus comment faire pour pas sombrer. Partir avec toi, changer l'air. Faire le chemin à l'envers. Plus chercher, trouver la lumière. J'ai plus la force, c'est l'enfer. Toi, mon étoile dans l'univers. Qu'il est retour dans les studios de Radio Arc-en-Ciel après deux morceaux. Hein. On a envoyé deux morceaux à la suite. Alors déjà, on va vous expliquer pourquoi. C'est parce qu'effectivement, on avait un morceau qu'on devait diffuser. Mais on avait aussi quelqu'un qui essaie de nous appeler depuis tout à l'heure. Donc ben, c'est Christophe Danakia qui organise justement le Cric Fest. Et il nous remercie d'avoir parlé de cet événement. Donc il y a plein d'autres événements aussi sur le nouvel agenda de Mavrika. J'ai vu qu'il y avait des nouveaux gemmes aussi. Je l'ai trouvé. Voilà. Donc il y a effectivement votre événement aussi qui est dedans. Et puis Christophe, la semaine prochaine, donc on va recevoir Roraima et Christophe fera une petite intervention dans l'émission pour nous parler justement de l'événement qui aura lieu le lendemain, donc le 26 février. C'est le Cric Fest Festival. Voilà. J'essaie de retrouver. Voilà. Cléry Saint-André le samedi 26 à 19h. 02. Voilà, donc on fait un petit coucou. Il vous embrasse hein, très fort. Et puis justement, leur rêve, alors c'est le groupe Prisma. Je sais pas si vous connaissez le groupe Prisma. Leur rêve, ça serait de jouer au caisson aussi. Donc, ah ouais. Donc voilà, si je sais que vous organisez assez souvent des concerts et voilà des gens qui voudraient eux aussi jouer dans votre salle de spectacle, on va dire ça comme ça. Écoute, enfin, on est carrément honoré parce que de là à dire que c'est un rêve. Mais ouais, mon pote. Et les mecs qui sont jamais venus chez nous, c'est pas possible. Si, combien ça coûte de jouer chez il est déjà venu d'ailleurs. très bien, et puis justement il y a quelques temps aussi on avait reçu les Neutol et justement Christophe a discuté avec eux, il va peut-être se passer quelque chose avec les Neutol aussi hein. Voilà, très bien. D'accord. Très bien, donc c'est bien de mettre en relation les associations qui font des concerts, qui sont autour de la musique, de manière à, si on peut faire des événements encore plus gros, encore plus balèzes, ben, c'est l'occasion. Très bien, donc on a écouté les deux morceaux. Le premier, c'était Joe. Et la deuxième, c'était Mon Étoile. Mon Étoile. Alors, Joe, je devais écouter les paroles, mais comme j'étais au téléphone, j'ai avoir du mal à... C'est quand même très, très dissipé. Hein. Ouais. Franchement. C'est vrai que je faisais attention. Et puis là, je dis, bon, je vais répondre au téléphone, parce que ça retéléphonait. Et c'était notre ami Chris. Donc, et pendant ce temps-là, j'ai pas écouté vraiment la chanson. J'ai pas écouté... Si, je la connais, la chanson, je l'ai déjà écoutée une fois. Mais j'ai pas fait attention... trop parle, donc vous allez me révéler pour le coup cette chanson là c'est une vieille du nouvel album en fait, parce que ça fait déjà longtemps qu'on la joue. Oui, c'est une des premières qu'on a composées pour le deuxième album. Oui. Donc on l'a joué en concert pas mal. Vous l'avez déjà joué, je l'ai déjà entendu. Oui. Ouais, il y en a deux sur l'album qui sont dans ce cas là ouais. Donc c'est un morceau on parle de Joe, et en fait ce fameux Joe, c'est Joe Peck des Sharpers. D'accord. Et si tu veux, quand j'étais gamin, donc j'habitais déjà Talcy à l'époque, toi, j'ai pas fait beaucoup de chemin, mais. Et on avait un grand frère, le frère d'un pote, qui nous emmenait au concert à Blois à l'époque, c'était à la salle du Pré et au foyer des jeunes travailleurs. Il y avait des concerts en sous-sol, c'était très sympa. Et Joe, Stéphane, il jouait déjà avec plein de groupes et tout. Et ce gars-là m'a marqué, sa présence scénique. Je le trouvais incroyable, quoi. Quand je le voyais jouer dans ces groupes, il a un espèce de truc qui fait que il a une présence. Il monte sur scène, il y a pas d'artifice, il y a pas tout ça. Tu sais, ce genre d'artiste qui dit le mec, il est là, mais tu le sais, quoi. Il en impose, il est baraqué, et puis il a cette bouille de vraiment. Il m'a toujours marqué. J'étais fan de son jeu de gratte, et vraiment, il m'a vraiment marqué. Et un jour, on les a invités à venir au caisson, ils ont fait une soirée avec nous, et je lui dis ça. Je lui dis, écoute, vraiment, je vais te raconter un truc, c'est hyper vieux, tu jouais dans tel groupe, tout ça, et vraiment, tu m'as marqué. Moi, j'étais devant, je regardais ça, j'étais gamin, et j'adorais, quoi. Et il me dit, ça le touche vachement, et puis à la fin de son concert au caisson, il nous invite à faire un bœuf, et je joue avec lui, et t'imagines bien, tu sais comment ça se passe, les gratteux entre eux, une petite histoire d'amour, mais toute petite, tu vois le truc. Donc on est resté quand même globalement assez potes, et on se croise bien sûr sur tous les concerts, on se croise toujours. Et après ce fameux concert au caisson, la chanson m'est venue un peu comme ça, j'ai dit ouais, je vais écrire un truc sur ce truc là faut que je laisse une trace sur ce mec et sur sa façon de se mouvoir, ce truc. Donc voilà, Joe est né comme ça. Ouais. Sur la musique, on avait essayé de faire un truc un peu british, toi, un petit côté british. Ouais. Un peu à la lui. Ouais, à la lui. sans le limiter vraiment, mais un petit peu un truc à lui. Il est quand même un peu inimitable. Et bon, voilà, c'était vraiment pour lui dire, ben, on apprécie le bonhomme, et voilà. Et il nous a rendu un petit truc il y a pas longtemps. Tu sais, Croxette a fait un. Oui, tout à fait, ouais. Le Rock Blaisois en 18 étapes, le Rock 7 Tour en 18 étapes. C'est ça, ouais, tout à fait. Donc, t'es au courant du. Ils sont venus ici pour le présenter. Ils sont venus, justement. Donc, Philippe était venu ici, parce que c'était Philippe que je connaissais. Il m'a dit, ouais, Philippe Bertin. Ouais. Il m'a dit, voilà, on a fait un truc et tout ça. Est-ce que tu pourrais, ça t'intéresserait? Je dis, bah oui, tout à fait, parce que j'ai entendu parler de cet album. Je l'ai pas amené ce soir, mais par contre, je l'ai ici, hein. Bah, tu regarderas. Alors, l'idée sort de la tête des Rock 7 Man en disant, on a plein de groupes dans le coin, on va prendre tous les groupes du coin, ah ouais, et il faut qu'ils fassent une reprise d'un groupe d'à côté, pour ceux qui ne connaissent pas. Et donc chacun a repris un morceau, nous on a repris un morceau de Infernal Flash Peps. Tout à fait. Ouais. Et Joe Peck ont repris un morceau à nous qui s'appelle Docteur. Et bah, on était super honorés qu'ils nous fassent ce cadeau. Et en plus, vraiment, allez chercher cet album si vous ne l'avez pas, parce qu'il y a des pépites quoi, dessus, il y a des trucs Moi, je le diffuse assez régulièrement, parce qu'il y a plein de reprises, justement, des gens que je connais qui reprennent d'autres, et ainsi de suite. Et puis des versions aussi complètement... Il y en a certaines qui ressemblent, il y en a d'autres qui sont complètement réinterprétées. Quoi. Là, pour le coup, de la façon où Joe Peck reprend Docteur, notre chanson, là. Ouais, surtout que les Sharpers ont un morceau qui s'appelle Docteur Docteur aussi. Ouais, ouais, mais je pense que c'est pour ça qu'il l'a repris. Voilà. Là, franchement, ça la bonifie encore plus, quoi. Ouais, et puis on est content que ce soit lui, quoi. On va regarder. Si on a un peu de temps, je vais essayer de retrouver la chanson et puis la diffuser. Et alors, le deuxième titre que tu as passé, Mon étoile. Mon étoile est le titre où Dominique Valade a posé son harmonica. C'est le morceau que je te parlais tout à l'heure en début d'émission. D'accord. Donc voilà, super morceau avec l'harmonica de Dominique Valade, donc qui est un des plus grands harmonistes de la région. Dis pas super morceau, t'es au téléphone, tu l'as pas entendu. Bah oui, en plus. Si, j'entends. Donc t'es obligé de le repasser la semaine prochaine. Je repasserai avec plaisir. Mais ce que je peux te dire aussi, c'est que tu m'as envoyé des morceaux et j'ai écouté une première fois. C'est vrai Je te charrie un peu. J'ai écouté une première fois. C'est vrai que les morceaux, pour les découvrir, il faut les écouter plusieurs fois. Hein. C'est vrai que. Et puis des fois, on fait autre chose, on fait pas forcément attention aux paroles. Et des fois, on les écoute un peu plus attentivement. Et là, on fait attention et on s'imprègne beaucoup plus. Donc, cet album-là, moi, je l'ai déjà entendu une première fois. J'espère que les auditeurs le découvrent grâce à l'émission. Et j'espère qu'ils auront envie de le réécouter. On espère. Alors, l'album, il va sortir très bientôt. Il sera là pour le concert, déjà, pour le mois de mars. Oui, ça, c'est sûr. Oui, c'est sûr. Après, on peut se le procurer au concert, au caisson. On peut se procurer comment? Après, on peut vous contacter aussi. Sur le site redda.fr. Voilà, c'est sûr. On mettra le lien aussi. Il faut qu'on y pense à le mettre sur le site de l'émission. On a le site Reddaf. On a une page Facebook. On a une page Instagram, il me semble. Oui. Et on peut être contacté par plein de moyens, en fait. D'accord. Donc, l'agenda, le nouvel agenda de Mavrika, si tu veux, les gens viennent voir et regardent s'ils sont intéressés par Red Daff et ils disent, tiens, dis donc, ils sont là-bas. Bah, on va les voir et à ce moment-là, on leur vendra avec plaisir un CD. Très bien. Donc voilà, c'est à ça que ça sert, à mettre en relation les musiciens et les auditeurs. Hein, voilà. Et puis les gens qui vont au concert et puis... Il faut aller au concert, parce que la radio, c'est bien pour découvrir et tout ça, mais il faut aller au concert pour aller voir les artistes en chair et en os. Il n'y a rien de mieux qu'un live. Ouais, il y a l'ambiance, il y a les gens qui sont là, on rencontre plein de personnes. Il y a les bruits, les odeurs, il y a tout. Il y a tout. La sueur. La sueur. Très bien. Et puis c'est vrai que ça nous manque. Et puis là, on a vraiment envie de repartir avec ça. Ah oui, ça nous manque énormément, oui. C'est très bien. Donc le fameux morceau avec Dominique Valade qui s'appelle... Mon étoile. Voilà. Ouais. Très bien. Ben là, j'ai passé deux morceaux à la suite. Ça nous a permis d'aller un petit peu plus vite parce que j'aimerais bien passer tous les morceaux quand même. Et puis, de toute façon, ceux qu'on n'aura pas le temps de passer, s'il y en a, on les passera dans les prochaines émissions. Ouais. Parce que c'est pas une seule diffusion. Hein. C'est dans l'émission Mavrika. On y vient, on y laisse des morceaux. On y laisse des traces. Et je rediffuse avec beaucoup de plaisir dès la semaine prochaine. Il n'y a pas de problème. Pas de souci. On continue avec le morceau suivant. C'est La fille. La fille. Ouais. La fille. La fille. La fille. Une histoire? Bon, qui s'y colle? Pas moi. Non, on va dire que c'est un petit roman, tu vois, tout petit. C'est une petite chanson, c'est romancé, c'est, c'est l'imaginaire qui parle. C'est, âme sensible, s'abstenir a fait pleurer cette chanson-là. D'accord. Et ça, l'idée de départ, alors pas pour le texte. Le texte c'était vraiment c'est une petite histoire, voilà, qui l'histoire un peu. Enfin, tout le monde peut avoir cette petite histoire. C'est-à-dire qu'un jour vous vous réveillez en se disant tiens, ma vie elle est comme ça aujourd'hui et je la rêverai comment si je la rêvais. Bon, et puis bah, forcément il y a une histoire de fille, de machin, de truc, la vie quoi, la vie normale. Mais la vraie histoire de ce morceau, c'est aussi un copain avec qui on joue un peu de guitare de temps en temps et qui est un ex-guitariste pro qui a complètement arrêté tout ça. Et pour se faire plaisir de temps en temps, il vient jouer. Il avait une idée d'intro. Il avait trois notes. Et regarde ce truc, je suis sûr qu'il y a moyen de faire quelque chose. Bon, à force de tortiller ce truc dans tous les sens, et on a fini par faire la fille. Musicalement, ça a été la plus compliquée de l'album à mettre en place parce que nous, on n'est pas du tout habitués à jouer un morceau lent. Donc là, Pascal Jardon a vraiment été mis à contribution sur le morceau. Sur l'album, c'est lui qui fait le solo, c'est lui qui fait toutes les phrases guitare. Et il a fallu que Pascal s'y colle un peu pour nous filer un coup de main parce que le morceau a été très très difficile à mettre en place. Les paroles ont été écrites naturellement, mais le musicalement, il était compliqué ce morceau. Donc ça donne La Fille, voilà. On va l'écouter tout de suite, donc La Fille, le groupe Red Daff. Yeah. doctor. I need a pill to feeling better. Doctor, give me something getting stronger. I need a shock treatment with lovely neck and nurses. Dans le studio de Radio Arc-en-Ciel, et c'est un petit peu brutal. Effectivement, il y avait des casques qui étaient un petit peu trop près du micro. Ouais. Ouais, bah, on l'a écouté, hein, les Sharpers avec Doctor. Ouais, ouais. Alors, ça, c'est le fameux morceau qui, sur la compile, est nommé La Claque. Oui, alors, c'est ça. Ouais, il y avait une erreur. Non, au départ, Stéphane dit je vais reprendre La Claque. Et puis en écoutant les morceaux, non, il est parti là-dessus, mais c'était trop tard. Imprimé la plaque. Roxette avait gardé la claque, pardon. Et bon, Christophe, Arando avait. Ils se sont pas causés. Enfin, il y a eu un truc, mais c'est pas grave. Ouais, c'est pas grave. On le remet. C'est l'auteur de l'anecdote, justement. Mais on adore sa version et ça envoie. Ah ouais, ça envoie bien, franchement. Ouais, ouais. Moi, j'ai eu l'occasion de les voir aussi. Pas au caisson, c'est bizarre, je les ai pas vus au caisson. C'est peut-être, ça date déjà il y a pas mal de temps, non? Ah ouais, ouais, c'est vrai. Ouais. Ouais. J'avais l'occasion de les voir, c'était organisé par les Casseroles. C'était sur Orléans, hein, donc, et j'avais vu ce groupe-là, et franchement, j'ai adoré. Superbe groupe, et tout est maîtrisé, et puis c'est, je sais pas, c'est évident, c'est super bon. D'accord, c'est bon. Voilà, c'est. Et t'as vu la version, quand t'écoutes cette version de Docteur, tu te dis, waouh, mais pourquoi on a pas fait ça? Mais c'est vrai que c'est très rock'n'roll, moi j'aime bien ce côté-là. Ouais. Franchement, très bon groupe, les Sharpers, et on les écoute avec beaucoup de plaisir dans l'émission Mavrika. Ils avaient justement un morceau qui s'appelait Docteur, que je diffuse aussi de temps en temps. Voilà, donc on va continuer à découvrir cet album qui s'appelle Faune, qui est le nouvel album des Red Daff qui va sortir très bientôt. Donc les morceaux, nous, on les a en exclusivité. Alors les morceaux, ça c'est peut-être pas les morceaux définitifs, il n'y a pas encore le mastering là-dessus. Si t'as le mastering. Il y a déjà le mastering. Ouais, là, ils sont définitifs de chez moi. Ouais, t'as la dernière version. Comme tu me disais qu'ils avaient été envoyés les morceaux. Donc là, c'est vraiment les derniers récents. Normalement, oui. Super, en tout cas. Donc, t'as la dernière ou peut-être avant-dernière. Je sais plus ce que je t'ai envoyé, mais t'as le final, quoi. Vraiment, il y a eu peut-être deux, trois trucs de un tout petit peu plus. Oui, peut-être. Pas grand-chose. Pas grand-chose. Très bien, donc ces morceaux-là, ben, on les découvre en direct dans les studios de Radio Arc-en-Ciel avec nos invités pour cette émission numéro 498. Voilà, tout à l'heure, je regardais aussi, parce que sur le Facebook de l'émission, eh ben, on marque le programme. Ça, c'est une nouvelle habitude que j'ai pris. Comme ça, les gens qui écoutent, eh ben, ils savent les titres. Hein. Les gens qui écoutent pas et qui vont le découvrir demain ou après-demain, ils ont dit, tiens, on a loupé telle chose. Donc, et ça leur donnera envie d'écouter le podcast de notre ami Florent, qu'on postera aussi. Et puis, en même temps, ils seront les titres. Donc, ils se diront, tiens, il y a un tel qui est passé, je vais l'écouter pour ce titre-là. Ils vont découvrir aussi les autres. Voilà, ouais. le truc, il est là. C'est une bonne idée, ça. C'est une bonne idée. Et justement, en faisant la liste, on s'est rendu compte qu'on avait sauté un morceau, le morceau numéro 3 qui s'appelle New Girl. Voilà. Le seul morceau en anglais, oui. Oui, justement, c'est la question que j'allais vous poser. Donc, c'est le seul morceau qui est en anglais. Voilà. Alors, pourquoi vous avez. Comment ça vous est venu l'idée de chanter en anglais? Ça, c'est Fab. Ça, c'est Fab. Ouais, oui, parce qu'il l'avait écrit en français au départ. Et il l'a fait traduire. Et du coup, il s'était mis en anglais. Il s'était dit, en fait, la chanson en français, elle ne veut rien dire. On va la mettre en anglais, comme ça, on ne comprendra pas. Non, si, ça passait, voulait dire quelque chose. Ça passait mieux, si tu veux. C'est vrai qu'il y a beaucoup de chansons en anglais, là, qui ont eu beaucoup de succès. Si on traduit les paroles, on s'aperçoit qu'il vaut mieux pas, quoi. Non, faut pas. Finalement, non, par contre, celle-là veut bien dire quelque chose. D'accord. Faudra que tu demandes à Fab. Sur la musique, c'était vraiment, en français, quelque chose ne fonctionnait pas. Ouais, phonétiquement, ça allait pas. Voilà. Et en anglais, ça passe mieux. Tu vas voir l'ambiance. C'est marrant parce que vous avez l'habitude de travailler avec le français. Ouais. C'est quelque chose. Parce que c'est vrai qu'il y en a certains qui disent, voilà, l'anglais sonne mieux pour le rock'n'roll. Mais bon, il y a des très bons groupes qui le font sonner le rock'n'roll avec de la langue française. Oui, donc, et vous, en plus, c'est votre langue, la langue française. Donc, nous, c'est notre langue maternelle. Hein. En plus. Oui, on privilégie le rock français. Donc ça, c'est mais bon, un petit morceau en anglais, de temps en temps, ça fait pas de mal. Donc, le prochain morceau, c'est en portugais. Hein. Je sais pas si vous êtes au courant. Sur le 12e album, on l'a prévu. D'accord. Il va falloir que tu nous aides un peu. Ouais, tu viendras au caisson. On connaît les insultes traditionnelles, mais à part ça, déjà avec ça, on peut faire pas mal de choses déjà. Ouais, c'est clair. Très bien. Bah, justement, à propos des gens qui sont venus sur le Facebook, parce que là, depuis qu'on fait l'émission, on met le programme, et au fur et à mesure, il y a des gens qui nous mettent des petits j'aime, ça nous fait toujours plaisir de voir qu'on est écouté et puis que des gens s'intéressent. Donc, il y a beaucoup de musiciens. Ouais. Beaucoup de musiciens, je regarde. Donc, il y a Gilles, il y a David, Hervé, Marc, Stéphane, Céline, Jean, Frédéric, Alex, Gabriel, Christophe, Christian, Arnaud, Eric, Chloé, Aurélie, Michel, et il y a même des petits cœurs. Il y a Irène, notre auditrice. Bonsoir Irène. Favorite. Et David aussi, qui est aussi dans le groupe Ivar, le fameux groupe avec lequel on a commencé l'émission, qui s'appelle Ivar. Et le morceau, c'était Omarian. Voilà. Donc, c'est un groupe de Bordeaux. Très bien. Merci beaucoup. N'hésitez pas à nous mettre des petits messages. Ça nous fait toujours plaisir. Et puis, vous pouvez les mettre aujourd'hui, mais vous pouvez aussi les mettre demain et dans les jours suivants. Il n'y a pas de souci. Le Facebook, ça marche tout le temps. Tout le temps. Mais c'est vrai que pendant l'émission, c'est sympathique. Voilà. Très bien. Donc, on va peut-être écouter ce morceau-là, tout en anglais. Vas-y. New Girl. C'est parti. Red Daff, New Girl. I'm calm, I've got the feeling about this. My dream is crazy, but feel good. She's no bad girl every night, but she knows I'm jealous too. In my bed, she's the fire in my head. My soul is lost, but feel good. Where am I? elephant can do. A drink of this, cheese on the meeting. In my life, my dream is crazy, but feel good. I miss a random from me. I found the standard still, you don't stand on me. What a woman killed my bird. My dream is crazy, but feel good. Donc la nouvelle fille, New Girl en anglais, les Red Daff. Donc ça me rappelle, j'étais en train de penser à une blague qu'on m'avait racontée. Nouvelle fille, c'est pourquoi c'est quelqu'un. Tu demanderas à Fab. On demandera à Fab. Bon. Non, on peut pas dire. On peut t'inventer une histoire en deux secondes là, tout de suite. D'accord. Mais si tu veux, mais. C'est pas vraiment ce qu'il a voulu. Ça me rappelle une histoire que j'ai entendue aujourd'hui. C'était justement un couple, et puis la femme elle demande au mari : tu me trompes avec une autre ? Alors, le gars il dit : non, toujours avec la même, pourquoi ? Voilà, donc c'est pour ça que c'est une New Girl, ça c'est un petit rapport, je sais pas. Alors là, on te laisse seul avec tes explications, mais nous, on sait pas. La femme, si on commence à interpréter, Fab, il va dire non, c'est pas du tout ce que j'ai voulu dire, non, non. Enfin, il va falloir qu'il vienne ici pour démentir après. Il va falloir qu'il s'explique. Fabrice envoie un message. Voilà, très bien, donc superbe morceau, en tout cas en anglais. Donc c'est le premier morceau en anglais que vous enregistrez, hein. Oui. De tête, oui. Il n'y a pas du tout d'autres morceaux en anglais. Donc c'est pour ça que c'est un petit peu étonnant. Même si vous, de temps en temps, vous reprenez quand même des morceaux lors des concerts. Oui, il n'y en a pas 50 000, mais... La CDC, pas mal. On fait CDC, en anglais. Ouais. Qu'est-ce qu'on fait d'autre en anglais On eût fait un peu de Rolling Stone. Oui, mm-hmm. Et de SDS, beaucoup de SDS quand même. Ouais. Ouais. Lenny Kravitz. Ouais. Non. Si. Ah si, on a fait du Lenny Kravitz. On a fait du Lenny Kravitz, mais il y a longtemps. Ouais, ça fait longtemps. Ah ouais, t'as une sacrée bonne mémoire. Ouais, c'est moi. C'était quoi, Mister... Driver, ouais. C'est ça, ouais. Je me souviens plus du titre, mais je me souviens très bien. Ouais, exact. Ça fait super longtemps qu'on ne l'a pas fait, ça. Ouais. Et puis après, dans les groupes français, il y en a aussi un, on en a parlé il n'y a pas très longtemps, on parlait d'un artiste qui s'appelait Luc, et je ne me souvenais plus du titre. La Sentinelle. Un morceau que vous reprenez aussi. Ça me fait penser un peu à La Claque, alors elle n'est pas de nous cette chanson-là, pas La Claque, hein, La Sentinelle. La Sentinelle, ouais. C'est un morceau pareil, j'ai toujours énormément de plaisir à jouer ce morceau. On le joue au concert. C'est un morceau qui marche tout le temps, tu sais qu'il a vraiment il a une patate ce truc là quoi. Donc alors il y a des fois on le joue peut-être un petit peu vite. On s'emballe, tu vois. Mais c'est parce que justement c'est pas un morceau qui te retient quoi lui. Ouais tout à fait, c'est vrai que dès qu'il y a les premières notes, je crois que tout le monde le reconnaît, même si on sait pas un morceau qui est bien et en plus je trouve que malheureusement dans les radios aujourd'hui, c'est assez rare d'entendre ces artistes là, il y a des très bons artistes français souvent, et de temps en temps heureusement qu'on va à des concerts et qu'on réécoute leurs morceaux interprétés par d'autres. Oui, voilà, donc en concert, il est pas souvent repris ce morceau. Non, c'est pas un morceau qu'on entend souvent, la Sentinelle. Voilà. Ah non, pas de... non, je crois que vous, mais après, je... pas, moi, pas vraiment d'autres personnes. Hein. Je l'ai jamais entendu repris par un groupe. Ouais. Mais bon, c'est un bon morceau. C'est Fab qui avait tenu à ce qu'on fasse ce morceau-là. Et bon. Il avait eu raison. Ouais, c'était bien. Oui. Il avait eu raison. Et je pour une fois qu'il a eu raison. Non, mais ne fais pas ça, t'es mal. Non, mais pour ce morceau-là, le restant, lui, il a toujours tort de toute façon. Donc, il nous a influencé aussi au départ sur du non, Paul non, Personne. Quand non, jamais. Paul Personne. Oh, non, non, jamais. Non, mais non. Fab nous a jamais influencé de quoi que ce soit. Et Bill Durham aussi. Ah, Bill Durham, non, sûrement pas. Non. c'est vrai que Fab, sa voix, moi, tout de suite, elle m'a fait penser à Paul Personne, Bill Durham, effectivement. Il a une voix de blues déjà. Il a une voix très grave qui est caractéristique. Très, très particulière, et, ouais, mais c'est super. Moi, je trouve super bien. Ça lui va bien de chanter même en anglais, mais même en français. Ouais, hein, ouais. Je trouve que ça passe super bien. Vaut mieux que ça y aille bien parce que je pense pas qu'il puisse la changer tout de suite. Voilà, donc c'est vrai qu'il a une voix de blues, on peut dire ça comme ça. Elle est une voix. Tu sais, pas de crooner, mais de je sais pas, il a un truc qui est un peu éraillé. Ouais, mais... C'est vrai que sa voix donne une identité au groupe. Ah, tout à fait. Ah, oui, c'est ça vrai. C'est... Et en plus, la voix, on peut la travailler, mais... La voix qu'on a, on peut pas la modifier. Non, même non, si on la travaille, on l'améliore et tout ça, mais donc mais lui, ça vient vraiment de lui. Lui, quoi, ce qui est bien, c'est que si tu veux, il la modifie pas. Il la travaille pas non plus. Ah, vous utilisez pas le vocodeur? Non. Il y a pas de ça chez nous. Fab, si tu nous écoutes, je suis à fond la caisse avec toi. Écoute-les pas. Et il dit ça parce que c'est lui qui l'amène tout le temps à la répète. Il a pas envie de repartir à pied. Alors, je vais vous raconter une petite anecdote aussi. J'ai passé à mon épouse, j'ai passé le petit clip où justement il dit voilà, ils m'ont obligé, donc voilà, il présente justement l'album et l'émission de ce soir. Voilà. Et puis ma femme, elle a regardé et c'est marrant, hein, elle a dit au début je croyais que c'était toi, parce qu'il commence, il a la tête baissée, il relève la tête, il me dit au début je croyais que c'était toi. Ah oui. Donc peut-être les cheveux, ouais, il y a peut-être quelque chose ça, aussi. Ça c'est la couleur des cheveux. Non, mais, Alvino, tu savais pas, mais tu es son idole. Comme toi, il fait tout pareil. Non, mais il nous le dit à chaque fois, toi. Il dit, attends, moi, fais attends, pareil qu'un comme Albino. Très bien, vous lui direz que moi aussi, c'est mon idole. Ouais, donc, okay. Je fais non, ce non, bah aussi. Non, on lui dira pas. Attends, non, après, il va prendre le boulard et tout. Non. D'ailleurs, j'avais les cheveux plus longs, je me suis coupé spécialement pour que c'est vous me voyiez comme pour ça. Pour Fab. Pour Fab, ouais. Très bien, en tout cas, on lui fait un coucou. Et puis, c'est vrai que c'est quelqu'un qu'on apprécie énormément. Et franchement, moi, j'ai rencontré beaucoup de gens dans l'émission Mavrika. Les Red Daft, ça s'est fait tout de suite. Il y avait quelque chose qui passait. C'était un coup de foudre. Ouais, c'est passé tout de suite. Hein. Je vous ai vu au concert, je vous ai revu plusieurs fois. Ouais. Ça fait combien de concerts que je vous vois sur scène? Et à chaque fois, maintenant, les morceaux, je les connais, je suis live. Et voilà, c'est... Par contre, on ne voit pas souvent chanter et sauter devant la scène. Ça, c'est chiant. Ben non, c'est vrai. Il faudrait que tu te débrides un petit peu. Ouais, la prochaine fois, je monte sur la scène et je danse avec vous. D'accord. Fais gaffe quand même. Attention la chute. On le prend au mot quand même. Hein. Mais je me déshabillerai pas. Non, il n'y a pas de souci. Non. Pas de ça. Pour nous. Pas de ça. Très bien. Donc le groupe Red Daft. Alors on a parlé principalement des projets. C'est vrai qu'on a fait un petit récapitulatif de la carrière. Donc 10 ans. 10 ans. 2 albums. Oui. Bon, ça marche toujours autant. Personne n'a changé. C'est toujours les mêmes depuis le départ. Toujours. Voilà, donc fidèle jusqu'au bout. Ouais. Et là, il va y avoir donc la reprise après Covid, oui, avec la sortie d'un album. Oui. Un concert double, exceptionnel. Un double concert. Double concert. Événement. Ouais, voilà. Parce que c'est la première fois que je vois ça, moi, 2 concerts, un derrière l'autre, à un jour d'intervalle, le vendredi et le samedi, donc le même concert. Donc cette fois-ci, il y aura de la nouveauté puisque c'est un vrai spectacle. Il y aura que vous sur scène, oui, mais avec des intervenants. Oui. Donc plusieurs personnes vont monter avec vous sur scène pour interpréter les morceaux. Mmh. Il y aura une capture vidéo. Voilà, oui. si je récapitule bien. C'est ça. Les enregistrements, donc le son au maximum. Il y aura peut-être une sortie directement sur la table de mixage pour avoir le son. Il y aura ça. Attends, voilà. Parce que pour le son, Titi, il faut qu'il nous dise un mot, tu vois, parce qu'il est pas tout seul pour cette soirée-là, parce qu'on a invité un autre copain. D'accord. Donc Titi, on te laisse présenter ce qui va se passer au concert. Eh ben, on va avoir Dominique Ollier, Non, pas ça du tout. Non. Olivier Bertrand, plutôt. Olivier Bertrand, excusez-moi. Qui va venir faire le son pour la soirée. Voilà. D'accord. Tu seras accompagné de lui ou tu seras tous les deux sur la console? Il sera sur la console. Moi, je serai plus à l'intendance, à l'organisation du spectacle. Voilà. D'accord. Ok. Donc, tu cèdes un petit peu ta place. Et c'est pas grave. C'est pas grave. Voilà. Non, parce que après, c'est pareil. Moi, j'ai déjà vu, des fois, il y a des techniciens qui, ils sont à deux sur la console. Et souvent, ils ont chacun leur manière de travailler. C'est toujours évident, hein. Donc après, ce qu'il faut, c'est qu'il y ait une personne qui dirige et l'autre personne voilà. Là, pour le coup, si tu veux, il va y avoir des intervenants. Donc, on avait besoin de quelqu'un qui connaisse très bien le truc. Mmh. Et, aussi bien au niveau du son que au niveau du timing du concert. Et ben pour le timing du concert, Titi était quand même au fait du truc, quoi. Oui. Au fait du truc. Olivier Bertrand, c'est un mec génial. Et il nous a filé plein de conseils parce que quand on a investi dans du nouveau matériel pour le caisson. Si tu veux, nous, on n'est pas un G-son, on n'est pas, enfin, tout ce qui est technique et tout ça, on connaît rien, quoi. Et Olivier nous avait sonorisé une fois, je sais plus où, et il a été de très très très très très bons conseils. On a la chance d'avoir Titi avec nous qui nous suit depuis 10 ans. Mmh. Et Titi a appris sur le tas. Ouais, mais et attends, c'est moi à chaque fois le son ouais, est super exactement. Bon. Franchement, il y a rien à dire. Et franchement, ça, on nous le dit à chaque fois. De toute façon, quand c'est Titi qui sonorise un concert à la maison, parce que c'est pas toujours lui, quoi. Ouais. Toi, genre il y a Rob Poupeau, il vient avec son ingé son, tout le bazar, quoi. Mm-hmm. Mais quand Titi sonorise un concert au caisson, franchement, on a toujours que des belles remarques là-dessus, quoi. C'est pas aboutissant, c'est bien fait, on distingue bien tout. Il a un avantage, c'est qu'il connaît le local et il travaille, donc ça aide aussi. Et puis après, il faut pas oublier, moi je dis souvent, c'est que les ingé-sons aujourd'hui, ils ont des bagages, ils ont du matériel pas possible, mais le premier instrument le plus important, c'est les oreilles. Ah bah oui, c'est donc quelqu'un qui a fait toutes les études possibles, qui a le meilleur matériel du monde, mais qui a pas l'oreille pour écouter et mettre en valeur certaines choses, c'est même pas la peine. Et inversement, il y a des gens qui ont je pense que Titi, il a les oreilles. Et après, derrière, il a appris et puis il maîtrise bien son truc. Ah voilà. oui, carrément. Voilà, carrément. Donc c'est ça le plus important. Exceptionnellement, Titi ne fera pas le son pour le 25 et le 26. Malgré tout, il sera quand même là pour dire à Olivier s'il y a un truc qui déconne. Parce que faudra le dire, c'est un truc qui déconne. Mais on est super content que ce soit Olive qui nous fasse le son chez nous. Il nous avait fait le premier album. Et on s'était dit, ça serait vraiment cool que ce soit Olive s'il est dispo pour nous faire le deuxième, quoi. Et donc ça se fait, donc c'est génial. Voilà. Ah, super, voilà, très bien. Voilà. D'autres personnes encore à citer, parce qu'on a déjà cité pas mal de personnes, mais ça serait dommage d'en oublier. On a tous les. Si tu veux, on a les personnes de l'assaut. Ouais. Tu vois qu'on trimballe. Tout à l'heure, j'ai dit des noms et j'ai vu des personnes qui sont venues, parce qu'il y a encore des nouveaux gemmes, hein, voilà, il y en a quand même pas mal. Et j'ai vu d'autres personnes qui apparaissaient, des gens de. Tiens, il y a Michel aussi, Fusée. Il y a Nat qui est parti aussi de. Et ça, Dominique pourra vous en parler. qui vous suit aussi. Moi, je peux très bien t'en parler. Voilà, donc je sais que c'est des personnes qui. Parce que ça fait plus de 30 ans que je la connais. Voilà. C'est ma femme. Il couche avec elle. D'accord, voilà. Moi, je fais un gros bisou. Si elle nous écoute, tu fais un gros, gros bisou. Ah bah voilà, ça fait plaisir. Ah bah oui. Effectivement. Après, dans la sauce, tu veux, t'as des. Mais je vais les citer, mais vraiment, si j'en oublie, pardon, il faut. Alors, Charline, Sophie, Brigitte, Cécile. T'as Isa, les deux Isa, Karine, Rico, Phil, Steph, Jérôme, les deux Sergio, Jesse, Romu, Bastien. Et normalement, je crois que j'ai oublié personne. Donc si toutefois j'ai oublié. Si jamais vous écoutez l'émission, on oublie quelqu'un, vous nous le dites. Hein, non, mais t'as compris, pour nous, ces gens-là sont. C'est vraiment des potes au-delà de l'assaut. Mais en plus. C'est ce qui fait que Red Daff est Red Daff, quoi, parce qu'on les concerts et tous nos trucs, le caisson, tout ça, on vibre à fond la caisse. Et ces gens-là, si on va les retrouver, parce que sans eux, t'as pas de broken roll. on n'en a pas encore parlé de la Brock'n'Roll, mais tu sais que cette année, elle a lieu. Ça sera le mois de septembre. Ouais. Le 11 septembre. Le 11 septembre. Donc, on s'en rappellera tous. Et tous ces gens-là sont à la manette et sont pas aux manettes le jour J. C'est tout le temps. Ça prend un an pour organiser la préparation et tout ça. Toi, Albino, tu sais ce que c'est que l'organisation d'un événement. Ah oui, effectivement, c'est plusieurs mois de travail. Ouais, jusqu'à la fin, on est toujours en train de voir est-ce que tout va bien se goupiller. Exactement. Et il y a toujours des imprévus. Mais bon, la plupart du temps, on arrive quand même à bien gérer. Mais ce qu'il y a, c'est beaucoup de préparation. C'est énormément de préparation. Et grâce à tous nos potes là qu'on vient de citer et peut-être ceux qu'on n'a pas cités parce qu'on les a oubliés et on en est désolé, mais franchement grâce à eux on arrive à faire bouger le bazar quoi. Donc ça c'est plutôt Talsy, c'est quand même qu'un tout petit bled, hein, tu le connais, nous on l'adore, le patelin, et on le défend tout le temps, c'est super sympa, et tout ça globalement sont des gens de Talsy d'à côté, mais ça fait vivre le village et franchement nous on adore quoi. Donc la Brock'n'Roll, ça se voit encore plus que nos concerts au caisson parce que c'est au milieu du village, sur la place, et il y a un côté extérieur. Il y a quand même une salle aussi où il y a aussi des exposants. Oui, ouais, il y a plein de gens, il y a plein de, il y a des concerts, il y a manger et boire. On a la proc, si tu veux, du concert de la Brock. On y va alors, justement. Donc on aura Rolling June que tu connais. Rolling June, ouais. Donc tout matin qui nous a fait les cœurs sur l'album qu'on va retrouver à la Brock. Ouais. On a un groupe Dr. Darrell and Mr. Big Dan, ça je connais pas moi perso, c'est Fab qui a déniché ce groupe là. Ce sera l'occasion de découvrir justement, je connais pas non plus mais bon. Et puis en dernière partie on aura Gaume qui revient. Ah ouais. Et je sais pas si tu te rappelles de son passage au caisson. Ah oui, super. Il avait laissé franchement, c'est vraiment du travail de pro, la bonne qualité, ça c'est la bonne musique. Pour les gens qui se rappellent, c'était le rocker de la je sais plus quelle édition de The Voice. De The Voice, c'était le rocker de la 2e ou 3e ou 4e édition, je me rappelle plus. Et il fait quand même une belle carrière parce que on voit toutes les dates qu'il fait et tout. On est super content de l'avoir pour le 11 septembre. D'accord. Donc ça, c'est ficelé, c'est calé, c'est. Mm-hmm. Ouais, moi j'ai un CD de lui. J'avais pris un CD et c'est vrai que j'écoute avec beaucoup de plaisir. Et il y avait un morceau, c'est. Je me souviens plus, c'est les mots, une super chanson que j'ai déjà diffusée à plusieurs reprises. C'est en anglais, hein, forcément, je chante en anglais. C'est, je me souviens plus. Bon, ça me reviendra. Ça mais écoute, reviendra. Le 11 septembre, Brock'n'Roll, Gaume sera là. Gaume, très bien, super artiste. Et en plus, accompagné de très bons musiciens à chaque fois. C'est top. Il avait d'ailleurs un musicien qui était revenu au caisson, lui, tout seul. The Hits, parce que j'ai passé un morceau il y a pas longtemps. Regarde, de temps en temps, je fouille dans mes trucs, je dis, The Hits, ah, super, tiens, je vais repasser. C'est un bon souvenir. Ouais, The Hits aussi. Pareil, hein, c'est pareil, superbe musique, ça envoyait bien comme il faut. Ouais. Et nous, on n'était pas chaud au départ, on n'était vraiment pas chaud, on se disait, est-ce que au caisson, ça a fonctionné? Et en fait, vraiment, c'était super. Non, je pense que les retours étaient bons. Tous ceux qui étaient là ce soir-là m'avaient dit que c'était super. Ouais, c'était super, super. Alors, vous avez cité pas mal de groupes qui sont passés au caisson, qui c'est qu'on aurait oublié encore? Il y a eu un paquet déjà. On avait eu une année Scam. Ah, je ne sais pas d'ailleurs si Scam, ça roule encore si, ou pas. Je pense que ça roule toujours. Scam, sorti contre avis médical. C'était au tout début du caisson, ça. Qu'est-ce qu'on a eu d'autre? Manu Lanvin, un peu plus connu. Manu Lanvin qui a fait un beau show. Lui, c'est exceptionnel. C'est un sacré musicien et un sacré showman. Il faut le voir sur scène. Il faut voir, il mouille. Là, on avait fait le plein. La chemise. Franchement... Génial, j'ai beaucoup apprécié un gars vraiment talentueux. En plus, il a composé la musique pour son papa, hein, Gérard Lanvin. Qui a sorti aussi un album qui est super. L'année dernière, ouais. Ouais, il y a pas longtemps. Ils partent en tournée tous les deux, là, je crois. Ils sont ensemble. Donc, il a fait la musique pour la voix de Gérard, qui est une voix particulière aussi. Hein, voilà, il faut. Très bien. Et pendant qu'on a des super musiciens derrière. Hein. Ah oui, on sent bien. Je prends juste un truc, c'est que pendant qu'on en est au remerciement, on va peut-être remercier aussi nos femmes. Et ben voilà. Moi non. Non, mais la 4, si tu m'écoutes, parce qu'elles sont quand même super patientes. Hein. On y passe du temps à la musique. Oui, c'est vrai. Moi, je remercie ma femme et mes enfants, qui sont aussi très patients. Et moi également. Pas tout le temps. Mes enfants, bon, maintenant ils sont grands. Mais... Et toi, ils sont patients avec toi. Ils sont patients avec toi. Voilà, on a des réponses en direct. Hein. C'est Nat qui dit il y a aussi Kat, Isa et Bérine. Mais je l'ai dit, Kat. Voilà, ouais, mais bon, entre temps, je n'avais pas lu, donc je regarde de temps en temps. Ma chérie, si tu nous écoutes, je te fais des gros bisous. On les remercie beaucoup parce que de leur façon. Je rentre pas tard. Elle met de la musique, Albino, on ne va pas s'attarder. Voilà. Albino, je voudrais dire, puisqu'on était dans les invités qui arrivent un peu chez nous, on a parlé de la Brocque, mais il faut savoir qu'au Caisson, il y a des concerts qui sont prévus. Alors, le 14 mai au Caisson. Ah oui. Mais on ne sait pas. On n'a pas encore signé l'artiste. L'artiste. On est en train, parce qu'on avait signé des artistes avant Covid. Ouais, il a fallu annuler. Bon, on avait annulé tout ça et on est en train d'essayer de bon, on va garder de recontacter les mêmes peut-être, non ? On voudrait dans un premier temps. On voudrait, ouais, ça, beaucoup, c'est un peu difficile parce que d'autres tournées se sont organisées. Et bon, on est en train on repart tout à zéro de toute façon, quoi, c'est comme ça. Presque à zéro. Alors on voudrait quand même on avait vraiment flashé un peu sur des artistes. On avait programmé un groupe qui s'appelle The Hook. Et on aimerait vraiment les avoir. Bon, aujourd'hui, on est en train de discuter avec Hélène Schmidt, tu connais, de chez GEL Productions, la boîte de prod de Manu Lanvin. Ah ouais, d'accord. Et c'est elle qui nous, avec qui on était en discussion. Donc on est en train de remettre ça d'aplomb. Mais les dates sont fixées et arrêtées. Il y aura le 14 mai, un concert le 14 mai. Il y en aura un autre le 8 octobre. D'accord. Et par contre, là, après, le 10 décembre, pour finir l'année, c'est notre fameux rock and pot, c'est-à-dire tous nos groupes de potes musiciens qui viennent. Il n'y a que des groupes du coin, les groupes locaux. Les groupes locaux, d'accord. Des copains. Oui, on passe une super bonne soirée. Hein. Moi, je sais que j'ai découvert des artistes chez vous, d'autres que je connaissais déjà, d'autres qui étaient venus. Il y avait les Infernal Flash Pep qu'on connaît très bien, qui n'existent plus aujourd'hui. Mais il y a un nouveau projet qui se met en route. Quelque chose se trame. Il se trame un truc. Ouais, parce que bon, quand on fait partie d'un groupe, même si le groupe il crache un moment, les musiciens ils sont là, quoi. Donc au bout d'un moment, il faut l'envie de jouer toujours là. Ouais, l'envie de jouer. Voilà, on n'arrête pas du jour au lendemain. Tu sais, après dans la vie. Ben, t'as des fois des chemins qui te mènent ailleurs que. Enfin, t'as fait un bout de route avec les mecs, et puis ben, arrivé un moment, tu peux plus faire autrement, et puis ben, la vie fait que des fois, tu t'écartes un peu de ce que tu faisais avant, et puis ben, voilà, tu vas vers autre chose. Ils sont pas du tout fâchés. Hein. Mm-hmm. Y a pas eu de fâcherie, c'est que ben, la vie a fait qu'il y avait des projets personnels qui étaient en cours et qui prennent forme aujourd'hui, donc voilà quoi. Ouais, c'est vrai que quand on fait partie d'un groupe, il y a aussi des choses qu'on a en projet, qu'on met un petit peu de côté, parce qu'on privilégie le groupe, et au bout d'un moment, ça s'accumule, et des fois, certains ont envie de faire un truc en solo pour un certain temps, des fois, tout simplement, envie de faire un break, et puis ça peut arriver. Moi, je sais que un jour, je ferai un break. Mmh. Vers 70 ans, toi. Voilà. Bon, mets-nous de la musique, Albino. J'allais dire une bêtise. Enfin, je vais vous la dire quand même. C'est Johnny Hallyday qui dit, il y avait son ex-femme qui disait, il va falloir qu'on arrête un peu, qu'on fasse un break. Tu sais ce que c'est un break? Il me dit, ouais, c'est une voiture avec un grand coffre. Bon, c'est une blague, hein. Il a jamais dit ça. Et d'ailleurs, Johnny, c'est quelque chose qu'on apprécie. Johnny, si tu nous regardes. Ouais. Je sais qu'il nous écoute là-haut. Tu serais arrivé un quart d'heure plus tôt. Ouais, c'est ça. Voilà. Donc, on va continuer avec la découverte de cet album qui s'appelle Faune. Ce sont les Red Daff et le morceau qu'on va écouter s'appelle Mr. Jack. Alors, pourquoi Mr. Jack? Une bouteille carrée. Une bouteille carrée avec un liquide trop dégueulasse. D'accord. Et qui désinfecte. Voilà. Éventuellement. Jack, Mal assuré, envie calmer. La seule qui peut me parler, c'est toi, la seule qui peut me caler, c'est toi, dans mes bonjours. À la suite. Alors là, c'était un morceau qui s'appelle Parano et c'est un morceau que je connaissais déjà. Vous l'avez déjà et interprété. Ben, ouais, celui-là, il est comme Joe. C'est un des deux vieux morceaux de l'album, on va dire. Très bien. Donc là, j'ai marqué tous les morceaux. Donc il y avait juste avant Mr. Jack, donc qui parlait d'un élixir de jouvence. Voilà, c'est ça. Voilà. Dont nous tairons le nom. Voilà. Donc Jack. Et en plus, je crois qu'il y a un groupe qui s'appelle comme ça. Il y a aussi des morceaux que j'ai déjà entendus qui s'appellent Mr. Jack. Il y a toujours cette référence à. Peut-être. À ça. Ouais. Voilà. Donc. On n'est pas les seuls à bien aimer. Alors. ça doit aider les musiciens à composer, je pense. Ouais, je pense. Aussi, voilà. Et donc Parano à l'instant, donc un super morceau que je connaissais déjà et que j'ai redécouvert donc dans cet album. Alors il nous reste encore deux morceaux à écouter, hein, ouais. Dont celui qui a le nom de cet album. Alors l'album s'appelle Phone. Oui. On le dit en anglais, phone. Tu le dis comme avant, tu veux. On disait un téléphone, maintenant on dit un téléphone. Ouais. Voilà, on a pris le truc en anglais. Hein, donc, ouais, mais phone, c'est bien aussi. Hein. Ouais, phone. Ouais. Et les gens disent comme ils veulent. Hein. Ouais, à la limite, ouais. Et puis c'est vrai qu'on est en France quand même, c'est bien d'utiliser des mots français quand ils existent. Peu importe. Et justement, cet album-là, il s'appelle Phone. Phone. Il s'appelle Phone. Et il y a une pochette sur laquelle on peut voir un téléphone. Ouais. Où il y a les quatre membres du groupe. Ouais. Il y a écrit Red Daff. C'est l'image que je me suis servi pour l'affiche de l'émission de ce soir. Donc c'est simple, c'était la couverture. C'est Antoine qui me l'a envoyé aussitôt. Je me suis dit bon, hop, à partir de ça, je vais faire l'affiche pour l'émission parce que c'était pas prévu encore la semaine dernière. On savait même pas que vous alliez venir, mais comme vous êtes toujours les bienvenus, et en plus ça tombait super bien. On s'est dit hop, impeccable. Donc Antoine a téléphoné aux autres membres en disant voilà, on sera là. Il y aura pas Fabrice, mais il y aura tous les membres du groupe. Et donc cette couverture là, alors c'est un CD. Sous quelle forme il va venir? Parce que moi, pour l'instant, j'ai des fichiers. Ça va être un CD boîtier cristal. Boîtier cristal, ouais, avec un livret, par contre. Un livret. Ouais. Alors, un livret où il y a les paroles des morceaux. Il y a les paroles des chansons. Mmh. Il y a des photos de nous. Ouais. Il y a les remerciements. Parce que les remerciements, si tu veux, sont tous les gens qu'on a cités et qu'on va citer, et ben cet album aurait été un peu plus compliqué à faire, tu vois. Donc forcément, ça, enfin, un album c'est quatre musiciens et Titi, mais pas que, quoi. En fait, il y a beaucoup d'intervenants qui vont à ce truc-là, quoi. Et sans ces gens-là, si on le fait qu'à nous cinq, c'est tout de suite beaucoup plus compliqué, quoi. Comme par exemple, toi, genre pour le livret, arrivé à un moment, nous, on n'est pas créateur d'images ou on n'est pas de trucs comme ça, quoi. Donc, on a fait appel à un gars, qui s'appelle Phil Bouvier, qui est d'à côté d'Annecy. C'est humainement, le mec est top, quoi. Franchement, Antoine l'avait contacté, puis j'ai pris le truc derrière pour tout ce qui était graphique, et c'est le mec qui nous fait le mastering aussi de l'album. Et en fait, ce gars-là, humainement, il est top. Je le conseille à tout le monde parce que tout est simple. Nous, on n'est pas du tout dans ce milieu-là et tout est simple. Donc tout ce qui est visuel du livret, pas de la pochette, mais du livret, bah en fait c'est lui. D'accord. Et je pense que le mec a été voir un peu sur le site, sur le Facebook et tout ça pour un peu nous situer, et il nous a proposé un truc et c'est tombé tout de suite dedans, quoi. Donc voilà, c'est super bien, quoi. Franchement, on est super content du résultat parce que déjà ça nous plaît. Donc ah oui, c'est déjà vachement bien. Et puis je veux te citer aussi Théo qui a, pour le coup, qui est le créateur de la pochette. D'accord. C'est le fils de Fabrice. D'accord. Qui est graphiste, qui travaille dans le graphisme et tout ça. Donc on lui avait proposé une idée de base. Et lui nous a monté ça d'une main de maître. Et je voudrais aussi citer la main qui tient le téléphone. Alors c'est la main de qui ? Ben, c'est la main d'un pote avec qui je travaille, qui s'appelle Florent Boulet. Et il écoutera sûrement pas l'émission, mais je vais lui dire qu'il écoute le podcast. Ça sert à rien, merci le pain. Je m'en branle, il a été tout rouge, rien à foutre. Il a boulé exprès sa main, tu vois. On était au boulot une fois, un soir, et je lui dis, attends, faut que je fasse un truc graphique, faire une photo et tout, mais faut que je te mette le feu à la main. Il m'a dit, ouais, vas-y, pas de problème, lâche-toi. Donc, je déconne. Il a trompé dans l'essence et hop. Ouais, c'est ça, ouais. Il est toujours à l'hôpital à 7h, là. Donc, non, voilà, quoi. C'est, si vous voulez, bon, Flo, je le remercie pour sa main, d'ailleurs. Il aurait pu se laver un peu les mains. Elle est un peu dégueulasse, quoi. Mais surtout Théo et Phil, qui ont fait un travail vraiment, vraiment remarquable, quoi. D'accord, bah super, je suis en train de la regarder, cette affiche, et effectivement, là, je regarde plus en détail. Alors, l'affiche a été faite à partir de la première page de ce livret, qui sera la couverture de l'album Phone. On voit un téléphone dans lequel il y a le visage des quatre membres, donc il y a Red Daff, il y a écrit Phone en dessous. Oui. C'est pour pas mettre une marque que vous avez mis Phone. Ouais. En plus, c'est trop de l'album, donc ça tombe bien. Et effectivement, il est dans la main d'une personne et on voit que ça flambe. Hein. C'est l'objet diabolique. Ouais. Ça me fait penser un petit peu au Burning Head qu'on avait cité tout à l'heure, sauf que là, c'est la End. Burning End. Ouais. Voilà. Très bien. Bah, super truc. C'est un peu le symbole du prochain album. Voilà. Ben ouais, carrément. C'est carrément. Carrément. Très bien. On a pratiquement tout dit. Est-ce qu'on aura oublié quelque chose sur la conception de cet album ? Non, vite fait, puisqu'on a... Monsieur Agenda, c'est voilà, parce que moi, je suis Monsieur Agenda ce soir. Alors, quitte à faire l'agenda, ça serait bien qu'on fasse l'agenda des Red Duff. On a fait l'agenda les autres. Ouais, tout à fait. Mais voilà, donc, pour dire que, bon, ben, le 25-26 mars, l'album au caisson, nous, les Red Duff sont le 2 avril à l'Estio pour les... Une concentration de bikers organisée par les Gobillons. Oui. On joue beaucoup pour les bikers. Bon, le 23 avril, elle est Hells Angels Orléans. Le 29 avril, on aura un concert gratuit à Mer, sur les Halles de Mer. Le 30 avril, nous serons à Suèvre. Le 28 mai, inauguration d'un local de biker à Chouzy-sur-Cisse, côté de Blois. Le 21 juin, fête de la musique à Muid. Le 25 juin, fête de la musique à Gidy. Sous réserve. Sous réserve, peut-être. Et le 3 septembre, on a concert à Hautainville, à côté de Marche-Noire. D'accord. Voilà. Donc, sinon, il y a de quoi faire là déjà. Ça s'est bien rempli pour l'instant. On a une ou deux confirmations en attente, je crois. Oui. Et puis voilà quoi. Mmh, très bien. Ces dates de concert, on peut les retrouver sur le site, je suppose. Ils sont sur le site. Donc oui. J'ai partagé le lien. Tout ce qui est sûr, c'est affiché. Mais les autres, vous les avez dit comme ça, voilà. Ouais. Mais bon, elles seront sur le site là, c'est sûr. Ouais. D'accord. Elles y sont, à mon avis, elles y sont déjà. Très bien, donc j'espère que vous avez eu le temps de le noter. Si vous n'avez pas eu le temps, vous allez sur le site de Red DAF et dedans il y a tous les concerts justement qui auront lieu avec le groupe Red DAF. Voilà. Très bien, donc Red DAF c'est un groupe, c'est une association. Oui. C'est associé au Caisson, parce que le Caisson c'est votre salle de répète déjà. Ouais, franchement. Et c'est aussi votre salle de concert dans laquelle vous recevez aussi plein d'amis, plein de copains et des grands artistes. Hein. Tout à l'heure, on avait parlé aussi de Lady Ballbreaker. Ah ouais, voilà. c'est le dernier concert qu'il y a eu, qu'il y a eu chez nous au mois de mars, il y a 2 ans. J'étais là et puis franchement, un groupe de filles qui reprend les ACDC. Ouais. Ah, c'est quelque chose. Et c'est super bien. En plus, franchement. Ça envoie sévère. J'avais été envoyé par Dom Rousseau, qui avait pris contact avec eux sur Orléans lors d'un concert, et puis il me semble qu'ils étaient déjà passés. Notre copain GG, Gérard Beaujean, que tu vois partout sur les concerts. Ouais, lui, c'est un passionné. Il va falloir qu'il vienne un jour dans l'émission aussi. C'est une bible. Il connaît tout. Franchement, c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup. Et à chaque fois, on se rencontre dans les concerts et puis on discute un petit peu de musique. Et c'est vrai qu'il a plein de références. Il connaît plein de choses. Il faudra qu'il vienne. C'est obligé. Excuse-moi, mais je pense à un truc. On devait avoir rendez-vous demain, avec un journaliste qu'on adore. Ça fait pas très longtemps qu'on le connaît. Et ce gars-là, en fait, a le Covid en ce moment. Et il n'est pas le seul. C'est pas le seul, évidemment. Donc, on peut pas se voir demain. Mais Denis, c'est monsieur Denis Pondaven. Et je lui souhaite un prompt rétablissement. Ah bon, on le souhaite tous. Voilà. Parce que, effectivement, dès que ça sera possible, donc vous allez passer chez lui quand même. Ça va être décalé, mais. Il viendra au Caisson, il est invité le 25 ou le 26, je sais pas. Alors là, Serge, c'est un monsieur qui écrit des super articles. Super article sur la musique, parce que c'est un fou de pop music et de rock and roll aussi. Et c'est un connaisseur. C'est un fin connaisseur aussi. Dans le genre journaliste, on a aussi Serge. Ah, j'ai perdu son nom. Moi aussi, j'ai. Serge Denis, non ? Tu sais qu'il est la rêve du centre. Tu le connais, Corbino, il fait toujours de. Serge Damien, il a deux prénoms. Oui, peut-être. Et en fait, il nous fait aussi toujours de la pub pour le Caisson. Les deux font partie des gens très sympas qui nous filent un coup de main. Bah, voilà, il y a des gens qui font de la musique, il y a aussi des gens qui s'y intéressent et qui en parlent. Voilà, ça c'est important. Comme toi. Voilà, parce que moi aussi je fais pas de musique, mais je m'y intéresse. Exactement. Et heureusement qu'il y a des gens comme vous, parce que sans ça, on serait pas grand chose, quoi. Bah oui, c'est pour ça que je peux me flatter de. On a regardé tout à l'heure sur la liste des gens qui ont mis des petits j'aime, et on voit énormément de musiciens parce que c'est les premiers concernés. C'est l'émission des musiciens. Voilà, donc si vous aimez la musique, vous pouvez écouter. Mais si vous avez de la musique aussi à proposer, vous pouvez venir dans l'émission. C'est ouvert. Hein, il suffit de prendre rendez-vous. On se dit tiens telle date, on fait une émission ensemble. On va parler de tel ou tel projet. Et puis voilà, ça se fait. Hein. C'est comme ça qu'on vous a découvert vous, qu'on découvrira. D'autres bientôt. C'est sûr. Ça me fait penser aussi la première fois que c'était Cécile qui était venue me voir à un concert de La Jarry. Oui. C'était à Châteaudun, si je me trompe pas. Ah oui. Peut-être. Ah ouais, et là, vous m'avez dit, il me semble, c'était pas à Châteaudun, il me semble. Peut-être. On avait été les voir à Châteaudun, ils étaient passés au théâtre. C'est ça, à Châteaudun, Ah, mais vous étiez venu me voir, on me dit, on va faire une émission. Oui, t'as raison. Et d'ailleurs, Cécile nous a envoyé un petit message, elle est à Marrakech. Voilà, j'allais te dire. On leur fait des gros bisous. Donc, on leur fait des gros bisous, qu'ils en profitent, parce que Marrakech, en plus, c'est une superbe belle ville. Donc, ils doivent avoir le soleil là-haut, et ils écoutent, l'émission Mavrika au Maroc. Marrakech. Au Maroc. Voilà. Donc exactement. On fait un petit coucou à tous les Marocains, tous les gens qui nous écoutent et qui sont passionnés par le rock and roll. Yeah. Voilà. Ça c'est important. Yeah. Très bien. Donc et je me souviens, c'est elle qui est venue nous voir avec. Tu étais là aussi, Fanfan. J'étais là. Ouais, ouais. Et je me souviens plus qui c'est qu'il y avait. Il y avait déjà vous deux. Et il y a Titi aussi. Il me semblait bien aussi. Et donc on avait vu la Jarry qui devait faire un concert à l'extérieur, mais finalement ça avait été au théâtre. Ça avait été rapatrié au théâtre, ouais, je sais pas quoi. Ouais, et donc et on s'était dit, tiens, première émission, on émission oui, avec Red Daff. Il y a quelques années. Oui, il y a quelques années, le temps passe vite. Hein. Ouais, bon, faut voir quand même. Ouh là là. Et puis depuis, donc on se voit régulièrement au concert et, oui. Et puis dans l'émission Maverick. Hein, c'est aussi. C'était une belle rencontre. C'était une belle rencontre. Très bien. Et puis c'est pareil, vous sortez un album, il y a aussi les Barricades qui étaient en enregistrement, il y a la Jarry aussi qui était en enregistrement aussi. Il devrait sortir un Mois de mars, hein, il me semble. Hein. Donc pour l'instant, je n'ai pas encore eu d'écho. Hein. J'ai vu un truc sur le net, je croyais que c'était sorti, mais non, c'est. Bah, ils sont en plein boulot. Ouais. Hein. C'est vraiment sur le point de sortir, à mon avis. Tout, hein. Tout à l'heure, tu parlais de Christian, je ne sais plus comment, là. Il est guitariste chez. Je ne sais plus. J'ai un trou. Bref, ils sont trois à jouer là. Ils sont trois à jouer. Ouais, ouais, ils font du blues rock. Mais si. Bon, bref, et eux aussi étaient en enregistrement il n'y a pas très très longtemps. D'accord, Christian, parce que j'en connais plusieurs des Christians. Bon, ça va nous revenir et puis on. Ouais, je vais retrouver. D'accord, c'est sûr. Non, c'est bien parce qu'il y a pas mal de gens qui ont profité justement du Covid, du fait qu'il n'y avait pas de concert possible. Donc les musiciens, bah, ça les démange. Hein, il faut qu'ils fassent quelque chose. Et donc oui. Ils peuvent pas rencontrer le public. Donc il y a eu pas mal de gens qui ont fait aussi des lives par internet. Donc ça a permis aux fans de suivre un petit peu leurs concerts, même si c'était pas vraiment pareil. La Jarry, elle a fait au studio Mea Culpa. Il y en a eu d'autres aussi dans certains bars d'Orléans qui avaient l'habitude de recevoir des artistes avec un public. Cette fois-ci, il n'y avait pas de public, mais ils ont diffusé un concert vraiment privé sur Internet. Donc, il y a aussi ceux qui ont enregistré. Tout à l'heure, j'ai vu Monsieur Alex qui avait fait aussi. Ils ont fait des morceaux carrément, c'est-à-dire que chaque musicien faisait sa partie, et puis ils mettaient tout ça ensemble. Ils ont fait des morceaux chacun de leur côté, voilà, par Internet. Donc il y a eu pas mal de nouveaux essais qui ont été faits, hein, des tests. Intéressant. Ah ouais, tout à fait. Tu as retrouvé ? Non, je l'ai pas retrouvé, mais tu m'excuses. J'ai mon fils, il est en train d'écouter la radio. Tom, il me dit Christian Baudin. Non, c'est pas lui. Mais c'est pas possible. Non, mais je vais retrouver. Je vais aller chercher dans tes amis. Mais c'est pas grave. Très bien. Donc, on écoute le morceau suivant. Alors, le morceau suivant, c'est celui qui a le nom de l'album, donc Fall. Ouais. Voilà. C'est ça. C'est bon, je pense qu'on a déjà parlé un petit peu du. Vas-y, envoie. On envoie. Celui-là, il faut qu'il soit envoyé très fort. D'accord, on va l'envoyer à fond, toutes les manettes. C'est parti. Regarde la tête de con, comme un flingue sous la table. Jouer de ta position, tu joues les héros sur tes réseaux sociaux. Tu critiques et tu parles, planqué comme un esclave. Well, fais-moi un petit selfie. T'as

qu'on a toujours trouvé magique de se comprendre par nos mimiques. On se connaît tellement par cœur qu'on ferme les yeux sur nos erreurs. Si on levait nos petits mouchoirs pour à nouveau nous émouvoir. Quand je vois nos deux petites mines et tout ce qui nous enracine, il faut que l'on fasse attention à ne pas devenir des vieux cons. On ne va pas faire de détour aujourd'hui quand on fait l'amour. Est-ce que nos actes spontanés par des rituels sont remplacés? Je devrais me poser des questions. Tu dis que la douche manque de pression. Ça va finir devant le 20h, chacun son plat de chercher l'erreur. Le visage flasque et rempli de rides, s'endormant devant l'éphéméride, rythmé par la télévision. On a tant de conversations. Quand je vois nos deux petites mines et tout ce qui nous enracine, il faut que l'on fasse attention à ne pas devenir des vieux cons. Voilà, un petit souvenir de la semaine dernière, donc l'émission numéro 497 qui était consacrée à Mourad, et le morceau qu'on vient d'écouter s'appelle « Des vieux cons ». Et c'est une interprétation qui avait été faite en direct live dans le studio de Radio Arc-en-Ciel, donc la semaine dernière. Voilà, lui et sa guitare, Mourad. En tout cas, c'est un artiste qu'on apprécie énormément et on continuera à diffuser dans l'émission Mavrika. Voilà, donc on arrive bientôt à la fin de l'émission. Je pense qu'on a dit pas mal de choses, hein. On a pratiquement tout dit, on n'a rien oublié, j'espère. Si on oublie quelque chose, vous me le dites, on le dira dans l'émission suivante, il n'y a pas de souci. Hein. Le dernier morceau. Le dernier morceau. Il reste un dernier morceau, ouais, ouais. Tout à fait. Il y a celui-là, on se le garde pour la fin. Ah, ça tombe bien, c'est le dernier. Ça tombe bien, c'est le dernier, voilà. Et on s'est débrouillé pour tout faire tenir. Hein. Ouais, donc ouais, le dernier morceau s'appelle Colorado Ride. Colorado Ride. Comme son nom l'indique, il est en français. Oui, en plus, il est en français. Il y a beaucoup de trucs comme ça où, des fois, il y a des groupes qui ont carrément des noms anglais et puis ils chantent qu'en français. C'est un petit clin d'œil. Et puis, donc, c'est un ride à travers le Colorado, on va dire, ouais. Ça comme ça. Donc c'est un peu une histoire de voyage. C'est ça. C'est un peu la suite un peu. Tu te rappelles On the Road, le premier album. On the Road, ouais, tout à fait. Tu te rappelles de cette chanson. Ouais. Bon, on imagine bien les routes américaines. Voilà, là, voilà. Tu vas voir, c'est pas une suite, c'est un petit complément. C'est dans l'atmosphère, en tout cas. C'est typiquement dans le pur jus. On a troqué la bécane pour un hot rod. On est parti là-bas faire un petit tour au soleil, quoi. Tu verras. Hot Rod, c'est un petit clin d'œil pour notre ami Didier, on en avait parlé aussi, qui a son émission qui s'appelle justement comme ça. Voilà, sur une autre radio dans laquelle il diffuse beaucoup de musique des années 70. Donc si vous aimez ce genre de musique-là, écoutez ce genre d'émission, parce que c'est important, parce que les radios périphériques, souvent, ils nous postent toujours les mêmes choses. Oui. Et c'est bien aussi d'avoir certaines radios qui permettent de découvrir autre chose. Voilà, comme l'émission Mavrika, c'est vraiment particulier. On est les seuls, on est les meilleurs du monde, puisqu'on est les seuls à le faire. Non, il y en a d'autres. Heureusement, il y a d'autres gens des fois aussi qui passent dans. Il y a des gens qui passent chez moi et qui me disent on va aussi à tel ou tel endroit. Donc il y a aussi d'autres radios où on peut parler aussi des artistes. Oui, ouais. Donc il faut les encourager, ces gens-là, et puis surtout aller dans leurs émissions, parce que c'est vraiment important qu'on parle des vrais artistes. Hein, parce qu'il y en a certains aussi qu'on diffuse à longueur de journée qui sont pas forcément mieux que les autres. Mais voilà, il y a une histoire d'argent, il y a une histoire de plein de choses derrière, de signatures, de cachets, de choses. choses comme ça. Donc voilà. Et je pense que à partir du moment où on fait de la bonne musique, eh ben on passe dans l'émission Mavrica et après le reste, on s'en fout. On s'en fout. On s'en fout. Voilà. Après on laisse ça aux autres. Hein. On s'en fout, mais tout ira quand même pas notre cachet en sortant. Ouais. Non mais ça c'est. on paye. Ouais, j'ai ramené des jambons, des saucissons. C'est voilà. Bon, c'est bon. C'est comme ça. Hein, ouais. La bonne franquette. Exactement. Très bien. J'avais aussi un petit morceau. Tiens, vous allez me dire si vous reconnaissez ces gens-là, parce que c'est un petit peu grâce à eux que vous êtes là, hein, puisque c'est un groupe qu'on connaît tous les deux, tous les deux. Vous et moi, on connaît tous et on. Vous allez reconnaître tout de suite, on écoute. Salut à tous, on est La Jarrie. C'est quoi si on s'en faisait une petite pour Albino? On écoute notre nouveau single sur Arc-en-Ciel. On n'a pas le choix dans Mavrica. On n'a pas le choix. Allez Mavrica. On n'a pas le choix. Être à découvert, on n'a pas le choix. Payer l'essence trop chère, on n'a pas le choix. Et rester solidaire, se lever trop tôt, on n'a pas le choix. Pour aller au boulot, on n'a pas le choix. Se dire que tout va bien, on n'a pas le choix. Et prendre la vie comme elle vient, on n'a pas le choix. À la fin de cette émission, hein. Franchement, c'est passé très vite. On avait plein de trucs, on a parlé plein de choses, on aurait voulu diffuser beaucoup plus de musique, mais ça sera l'occasion de revenir pour une prochaine émission. Ouais. Voilà, il n'y a pas de souci, hein. Vous savez l'adresse maintenant. Exactement. Vous connaissez les nouveaux horaires, 19h, 22h, l'émission Mavrica tous les vendredis sur Radio Arc-en-Ciel, radio-arc-en-ciel.fr sur Internet et 96.2 sur la région orléanaise en FM et en stéréo. Attention, hein. En plus, hein. Voilà, on rigole pas. Donc, on arrive à la fin de cette émission. Je pense qu'on a tout dit. Hein. Il y a un album qui sort qui s'appelle Faune. On a écouté tous les morceaux sauf un qu'on garde pour la fin. Et cet album-là sortira dans les semaines qui viennent. Dans et il sera là, en tout cas, pour le 25 et le 26 mars. Et à l'occasion des concerts qui seront faits au Caisson. Oui. Avec le groupe Red Daff et des intervenants. plein de gens qui sont qui vont venir sur scène. Plein donc là, un grand spectacle, un grand concert. Ils vont essayer de se surpasser puisqu'ils ont envie vraiment de jouer après deux ans de d'année blanche là de où ça n'a pas bougé. Donc là, franchement, on a envie d'aller au caisson. On a envie d'aller au concert en général, mais au caisson, il y aura justement cet événement exceptionnel. Donc, pour la sortie de cet album, deux concerts, et pas un seul, hein, le vendredi soir et le samedi soir. Et c'est à partir de quelle heure? C'est à partir de quelle heure? C'est à partir de 20h, je crois. 20h, des horaires normaux, quoi. Oui. Si on arrive avant, on est accueilli quand même. Bien sûr. Si on arrive après, bah, il y aura à manger. Voilà. Mais venez avant, comme ça, vous viendrez dîner sur place et ça sera super. Ouais, voilà. Parce que, il y a de quoi se restaurer. S'abreuver, tout. Il y aura tout ce qu'il faut. Tout. Voilà. Il y a des endroits comme ça où on se sent bien. Ouais. Et on manque de rien. Et on manque de rien. Voilà. Vous connaissez la chanson. C'est la chanson des Garens qu'ils avaient chantée pour Mavrika. Ça fait un petit moment qu'on ne l'avait pas diffusée. Ben, on la diffusera très prochainement. Voilà, on arrive à la fin de cette émission. On va dire les phrases magiques. Hein, que rock'n'roll soit avec vous. Everything is going to be alright. Merci, Lino. Merci. Et une vie sans musique serait une erreur. Voilà. Merci à vous en tout cas. Ça fait vraiment plaisir de vous revoir. Et puis, le rendez-vous, il faut surtout pas oublier, le 25 et 26 mars. Voilà. Vendredi et samedi. Voilà, c'est dit cette fois-ci. Bon, on n'a rien oublié, donc je vous remercie en tout cas d'être venu et puis on se dit à très très bientôt en tout cas. Et si on avait oublié des gens, on s'en excuse. On s'en excuse. On vous aime quand même. ouais, l'important c'est de... L'important c'est de s'aimer. De s'aimer, c'est le plus important, c'est l'amour. Voilà, on écoute, on se quitte donc sur le dernier morceau de cet album Faune et le morceau s'appelle Colorado Ride. Yeah. C'est parti. Salut à tous, on est La Jarry. Et tu sais quoi, si on faisait une petite pour Albino, on écoute le nouveau single sur un potentiel, on n'a pas. Eh ben non, il y a un problème technique. Décidément. Décidément, pourtant je l'avais. On ne tourne pas non plus, mais nous n'aurons pas non plus. Voilà, ce qu'on va faire, on va l'arrêter et puis on va envoyer le bon morceau parce que là c'était nos amis de La Jarry, on est bien content de les diffuser, on les diffuse assez régulièrement aussi dans l'émission Mavrika, mais cette fois-ci on va laisser donc la place à Red Daff avec Colorado. Il est temps que ça s'arrête. Colorado Ride. Et il veut pas y aller. Si. C'est parti, c'est bon. Qui dort, qui bave, ça coule. Je roule à non-fait, je mets des gaz, c'est cool. Passing me the Colorado, escale Vegas, claque et du cash, San Diego. Stop. Dans le désert californien, avec mon look américain, prochaine station, je peux dire, cool. Je ferai le plein du réservoir. Passing me the Colorado, escale Vegas, claque du cash, San Diego, stop. Des Indiens, y'a plus de bistrot, y'a pas de saloon. Je me tire une douille et je tape le blues. Passing me the Colorado, escale Vegas, claque et du cash, San Diego. Stop. Funk. R&B. Sábado depois das 18h. Com Mónica Mendes.